Septième. Ouais. Ok, t'es quel métro toi? Villiers. Villiers, ah bah. Métro 2. Zétan, enchanté. Bon, allez. Tu fais quoi dans la vie à 30 ans à Paris? Je fais de l'événementiel, des réceptions. T'es pas déjà passé avec nous à l'antenne il y a quelques temps? Non, c'est ma première. C'est vrai? Ah bah d'accord. T'es jamais passé à l'antenne de ta vie? Jamais, c'est ma première. Eh bah dépuce là, je radio. Ouais, bien mieux. Ça veut dire quoi, tu travailles dans l'événementiel? J'organise des réceptions pour des entreprises ou pour des particuliers. D'accord, cool. Bah, écoute, vas-y, bienvenue. Qu'est-ce que tu voulais réagir, toi, par rapport au radin? Ouais, bah j'ai un pote, moi, c'est un peu comme JM le stagiaire, quoi, si tu veux. Non, Julien le stagiaire. Ouais. Il a fait un mélange. JM du stand, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah, pardon, ouais. Ouais, donc, tu vois, comme il boit pas d'alcool, il part du principe que t'as toujours à lui payer son coca, et lui, il paye jamais sa tournée, tu vois. Ouais. Et quand tu vas au resto, à un moment où il faut payer l'addition pour tout le monde, il fait semblant qu'il est au téléphone et il part. Et il y a toujours une partie. Attends, je t'entends plus, Alex. Ouais, tu m'entends là? Ouais, ça y est. Ouais, bah, il manque toujours quelqu'un qui a pas payé, bah, c'est toujours lui parce qu'il est parti téléphoner au moment où de l'addition, quoi. Ah ouais, comme par hasard. Ouais. Tu l'invites plus. Ouais. Quoi. Non mais moi, un pote comme ça, je l'invite plus du tout. Pareil, non mais c'est sûr, il faut en parler. Franchement, j'attends pas deux heures. C'est insupportable. Hein. Attends, il y a Alan. Tu m'entends, Alan? Ouais, je t'entends. 26 ans de Confolens dans le 16. Ouais, exactement. En Charente. Salut, Alan. Tu es routier, Alan? Ouais, exactement. Je suis routier. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, frérot? Ah ben moi, c'était pareil pour le fait que Julien soit radin. Bah du coup, moi, j'ai trouvé une copine extraordinaire. Elle est dans le principe où elle gagne de l'argent, du coup c'est chacun son tour, on paye chacun de son tour le resto ou les sorties. Ou ah, mais ça c'est vrai que c'est un sujet d'embrouille. Hein. Ouais, et c'est pour ça que c'est bien de partir genre au Club Med ou un truc comme ça l'été. Comme ça en fait il y a des buffets, c'est gratuit et tu peux aller bouffer tous les soirs, il n'y a pas à se poser qui payer. C'est inclusive. Et ça c'est bien quand t'es avec tes potes et tout, les trucs comme ça. Il y a Romain qui est là, tu m'entends, Romain de Villeparisis dans 77 pour terminer. Ça va comme toi papa. Après on se fait le nouveau Guetta en exclusivité mondiale. C'est ça, ouais. Pour la première fois. Minuit. Et c'est Bibi qui le passe en premier. Ah, c'est chez nous. Voilà, il est là. On va se le. Ah, putain, il est bien. Et Hit, que vous allez entendre sur votre tablette. Je vous l'envoie dans 30 secondes. Romain, dès que t'as fini de parler, le nouveau Guetta va passer dans toute la place. Ils attendent que Energy l'envoie pour toutes les radios américaines, je te dis. Tu passes la classe. David. Ouais, c'est parce que c'est maison de disques et tout. On est prioritaire parce que c'est la plus grosse radio de la planète. Et ensuite, ça part partout. Donc, je peux vous dire qu'il y a des maisons de disques qui écoutent. Ouais, les Américains. Et il y a David Ounet qui écoute aussi. Big up. Vas-y, Romain, raconte, poteau, alors. Comment tu fais quand t'es avec des gens radins? Moi, c'est pas une question d'être radin ou pas. En fait, c'est si je rencontre une nana sur un site de rencontre et qu'on a prévu d'aller au resto, si jamais elle me plaît pas, on va faire 50-50. Ah ouais, t'es vraiment par intérêt. Ouais, c'est-à-dire que si jamais tu as envie de la ken ou quoi, y a pas de problème. Et par contre, le contraire, c'est pas possible. Ouais, si tu veux pas la miguer, en gros, tu payes la moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être une solution aussi. Taylor, qui est là, attends, juste pour le jeu des hôtels. Taylor, on va faire le jeu, poteau, on va le faire demain soir. Ouais. Parce qu'en fait, il faut qu'on envoie le nouveau Guetta. Et juste après le nouveau Guetta, il y aura Mickaël, mais en fait, je suis obligé de l'envoyer maintenant. Sinon, je vais me faire défoncer le cul par les radios de Los Angeles. Hein, Taylor? Ouais. Même si j'en ai rien à branler, en vrai, s'en fout, on est assis dessus, nous. Est-ce que tu veux faire une dédicace, poteau? Puis je te fais passer demain en priorité. Ah bah dédicace à toute ma famille, à tous mes amis que j'avais dit d'écouter ce soir. Et une grosse dédicace à toute l'équipe, vous êtes super, continuez comme ça. Vas-y, merci beaucoup. Et dis-leur d'écouter demain alors. Ah, dis-leur, tu préviens-les comme ça, tu passes demain, d'accord? Ok, pas de ok, allez, à demain, frère. Bonne nuit. Salut, ciao. Bon courage, les mecs. Et le morceau, il s'appelle I Lie to You, je mens à toi. Voilà. Je te mens, en fait. Ouais. I Lie to You, c'est je mens tout toi. Voilà. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume. Salut. À demain, Guillaume. À demain, Guillaume. Bonne nuit. À demain, Flo des cadeaux. À demain, Guillaume. Bonne nuit, Julien. Salut, Guillaume. Dormez bien, les mecs. Je vous embrasse, je vous kiffe, les mecs. Merci d'avoir été là. Demain, on se fera. On n'a même pas fait le jeu des castings. Ah ouais, on n'a rien fait. J'avais plein de numéros. Et non, mais moi, ça va plus. Mais deux heures, je ne suis pas habitué. En fait, il me manque une heure d'émission là. Mais c'est vrai, il me manque. J'avoue, on a oublié le jeu. Ouais. Vous savez quoi, on le fait jeudi prochain d'office. En plus, on aura la semaine prochaine. On n'a pas la confirmation encore. On attend la confirmation. Bon, alors, il y a une surprise. Invité de ouf. Hier, on a eu un astronaute. Oh là là. La semaine prochaine, franchement, mais nos invités, ils déchirent, déchirent leur mère. Ah bah là, ça change quoi, ça change. Elle est bon, Lady Gaga là, c'est bon. Ah ouais. C'est bon, c'est un truc à 10 ans, elle a entendu partout. On l'a déjà eu. Non, c'est hyper bien de l'avoir en plus. On l'a déjà eu, on l'a déjà joué. Ouais, bah. Non, c'est pour rigoler, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, grave. Elle est belle. Hein. Mais je préfère, sincèrement, je vous le dis, hein. Je préfère 100 fois avoir l'astronaute. Ah bah oui. Un astronaute. Ah ouais. hier, l'astronaute qui nous raconte un peu ses missions, qui nous raconte comment on fait pipi caca dans une fusée, ça m'intéresse plus que de savoir si Lady Gaga a mangé cornflakes ce matin. Claire. Je vous jure, non, mais c'est très bête. Bah, mais je vous jure, différent. Je suis pas trop attiré par le people. Je suis plus intéressé par les trucs où on peut rigoler et les trucs qu'on apprend. Et moi, je sais qu'on est un million et je trouve ça important d'avoir la chance de faire. Je trouve que ça manque un peu dans le paysage actuel de voir des mecs comme ça et tout. Tu sais, ouais. Ils te montrent que des teubés. Ouais, ça dans des émissions de télé un peu teubé quoi. Ouais, ouais. Et là, t'as la chance de pouvoir voir exposer sur la radio salle pendant une heure un astronaute qui te dit qu'il était mauvais à l'école. En plus, ça qui est marrant. Le mec, il devait tous se dire putain, le mec, il va donner des conseils. Non, en fait, le mec, c'est une grosse piche. Bon, bonne nuit en tout cas. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain, 22h minuit. On se fera le clash de la semaine, vendredi soir, 22h minuit. On est en direct le vendredi maintenant. Nouveau David Guetta avec Cédric Gervais. Celui qui fait les petits yaourts et puis. C'est qui Cédric Gervais, je sais. C'est un DJ, je crois. Ah, vas-y, c'est Cédric Gervais. Cédric Gervais. Avec David Guetta. Attends, mais il doit être bon le mec. Bah oui, il doit être frais. C'est un producteur de musique. Merci beaucoup. C'est un DJ, ouais. Ah ouais, putain, il est stylé en plus. 10 jockeys, il est marqué. Bah, 10 jockeys. C'est vrai que Gervais, c'est Wikipédia. Ouais, 10 jours, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce mot. Ah ouais. Il fait de la danse progressive. Quoi. Il danse aussi. Il fait de la big room house. Quoi. Ah ouais, de la house la pour les grands. Big room house. C'est marqué, c'est pas moi qui ai inventé. Ah ouais. Vous tapez Wikipédia. Ouais. Ah, sa mère. Allez, gros bisous les mecs. Enfin, bisous. Bon courage ceux qui bossent de nuit. Mickaël qui arrive après. Puis Guetta avec Cédric Gervais et Chris Willis. Wold, I lie to you. Voilà. Ah, j'avais pas vu le Wold avant. Voilà. Je dis un mauvais titre pour le connaître. Allez, gros bisous les mecs. David Guetta maintenant. Passez une bonne nuit, les frérots. Bon courage. Merci d'être là de plus en plus nombreux. 22h, minuit, du lundi au vendredi. Guillaume Radio 2.0 et le nouveau Guetta sur Énergie. Ok. Bon dit les mecs. Don't you know it's true, girl? I'm someone else, but you, would I lie to you, baby? effectivement, ça valait le coup d'attendre. Le nouveau son de David Guetta, repris d'ailleurs au passage pour les plus connaisseurs par. Bah, pas par eux, à la base c'était ça. Charlie Eddy, ah, ça a vieilli là de suite. Hein. Ah, c'est pas le même dossier évidemment. Allez, minuit 7, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie jusqu'à 4h. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y'a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Et oui, ça y est, on est là en direct. Bienvenue, minuit 8, dernière de la semaine. Et on sera de retour bien sûr dimanche en direct à partir de 20h. 20h, minuit sur Énergie. Et en attendant, ce soir, bah, vous le savez, depuis le début de la semaine, on vous offre, j'allais dire FIFA 14. Mais pourquoi je dis 14? Putain, on est. C'est FIFA 17, je sais pas pourquoi 14. C'est le truc qui représente rien en plus, tu vois. C'est même pas comme si c'était le 16, tu sais, j'aurais pu, parce qu'on a dit FIFA 16 pendant toute l'année. Non, non, non, non. FIFA 17, voilà, qu'on vous offre toute la soirée, enfin toute la nuit plutôt, jusqu'à 4h du matin. On vous l'offre ce soir sur le Twitter de l'émission. C'est cool ça. Bah ouais, il suffit simplement de me follow, vous tapez M-I-K-L officiel, vous me follow et vous allez voir qu'il y a un espèce de post où on a mis bah, le jeu FIFA, il faut simplement aller le retweeter. Voilà, on tirera au sort parmi ceux qui auront retweeté, pardon. Et tirage au sort tout à l'heure, on en a plusieurs à vous offrir, donc il y aura plusieurs gagnants. Donc voilà, bonne chance, on va en tirer un au sort à 1h du mat, à 2h, à 3h, et puis voilà, on avisera quoi, vous inquiétez pas. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, faites un petit follow sur la page, sur le Twitter, pardon, de l'émission, c'est M-I-K-L officiel, voilà. Bon, message qui est arrivé, cool le nouveau David Guetta, il y en a un qui dit c'est de la merde, j'aime pas, je préfère Perfect Illusion de Lady Gaga. Oui, ça n'a rien à voir, hein. C'est, oui, c'est oui. Comme s'il y en a un qui dit non, moi je n'aime pas David Guetta, je préfère Charles Aznavour. Oui, ça n'a... aucun rapport, donc c'est un DJ, l'autre c'est un chanteur. Mais cela dit, c'est ton droit, hein. t'as le droit de pas aimer. Hein. Bon son, vous avez les oreilles bouchées. Non, moi je trouvais ça sympa, c'est un petit revival du morceau de Charlie Lee dans les années 90. Un plaisir de vous écouter, c'est Ramoun. C'est quoi Ramoun Show du 5-9. Eh ben merci beaucoup, il y a plus que. Attends, c'est quoi? Il n'y a pas plus meilleur que vous. Oui, Jessica, par contre, le français c'est pas facile. Ouais, faut travailler, il n'y a pas mieux, c'est gentil en tout cas, cela dit. On fera le karaopé ce soir, le moment préféré d'Amina. Absolument. J'ai très hâte. Je rappelle que Amina est sur 2 victoires d'affilée au karaopé. Et oui, jamais 203. Voilà. Enfin bon, même si la semaine dernière, faut dire qu'elle a gagné sans en avoir rien foutu, puisque c'est l'auditeur qui a gagné. Mais bon, ça reste la team. Ça reste la team malgré tout. C'est ça, reste la team. Bon, 01 40 71 5000 si vous voulez passer en direct dans l'émission. Et ben vous êtes les bienvenus, vous nous appelez, vous passez, il y a aucun problème, on écoutera le son de Weekend dans quelques minutes, ça tombe bien avec le Weekend qui arrive justement. Il y aura Jonas. Il y aura Feder également. Avec Alexa Yolo. Ouais, sauf que c'est pas celui-là, on mettra un autre son de Feder, Sigoré. Oh, ça arrive, hein, putain, mais ça c'est à cause de Seba au standard, ça. Hein. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'était la Saint-Michel aujourd'hui. Ah. C'est perturbé. Je vois pas le rapport. Non, moi non plus. Cela dit, oui, Saint-Michel, est, apparemment, c'est la Saint-Michel aussi. Ça existe pas, mais du coup, c'est rapporté au Michel. Bah arrête, tu t'es inventé. Je te jure. Il les cumule quand il y a plusieurs prénoms, en fait, c'est Michel, Michael, tout ça, oui, c'est les mêmes. Oui, si, ouais. C'est ma fête aujourd'hui. Si, enfin, c'était hier en l'occurrence. Bon, oui, minuit 11, il y a Ellie Goulding aussi qu'on mettra tout à l'heure avant 1h du matin. Et un message qui dit salut Énergie, Toff, le déchet mais de mes chiottes, pardon, sale raclure, connard de merde, tête de quiche. C'est sympa, dis donc tout ça. Hein. Des messages tout sympas d'amour et d'amitié. Steakfred qui dit bonsoir messieurs, qui c'est possible que Aminou envoyez Tabloot à moi s'il vous plaît. Pas compris. Je déconne, bonne soirée à la team et aux auditeurs. Bon, bah, c'est un fan, il a pris plusieurs trucs de l'émission. Ah oui avec la Tabloot. J'avais dit Tabloot à la tablette, je sais plus quand. La Fretriaba aussi qui dit salut les amis, je vais vous écouter ce soir malgré que je suis KO. Et tu nous racontes ta vie, la Fretriaba. Non, on rigole, merci, c'est gentil. Il y a Ju aussi, j'aime pas le joli, c'est la dernière fois qu'on écoute Mickaël, mais on est présent comme d'habitude. Ouais, mais en même temps, on sera de retour dimanche et pendant tout le week-end, il y a les podcasts à réécouter hein, sur energie.fr, donc vous pouvez y aller. Il y a Christophe qui est là en pleine forme. Mais oui, et ils sont à jour le podcast. Ils sont, ouais, ils sont à jour. J'ai pas été vérifié aujourd'hui, mais normalement, ouais, je compte sur les auditeurs de toute façon pour en balancer. Je rappelle que c'est Seba du Standard qui est censé mettre les podcasts à jour. Ouais. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, un son qui ne fonctionne pas ou un podcast pas mis à jour, signaler. En général, les auditeurs me tweetent en disant oui, ce n'est pas mis à jour, et du coup, je peux aller évidemment gueuler comme une sur Seba du Standard, hein, telle une merde. En général, c'est plutôt Polo qui s'en occupe. Mais oui, il adore. Parle, oui, c'est son passe-temps favori. Le week-end, il ne fait que ça. Il l'appelle, il l'insulte, il raccroche. C'est ça. Voilà. Ça, ah, c'est pas mal. Ça a l'air sympa. C'est sympa. Donc. Ouais. C'est sympa. Amina, qui a passé une bonne journée. Bah, jusque là, ça allait. Je viens de me rendre compte qu'on a dessiné un zizi sur ma feuille. Ah bon ? Qui a osé faire qui a osé pas. Je sais pas, mais je vais le retrouver. C'est scandaleux. Je vais le retrouver. C'est scandaleux. Et moi, qui voulais payer à bouffer ce soir, et Amina a dit non, je ne peux pas être là alors. Bah attends, voilà, c'est un petit zizi. Hein. Il prévient 5 minutes avant. Ouais, et alors c'est... Non, en fait, c'est une enfume. Hein. C'est parce que je savais très bien qu'elle allait dire non. Mais comme ça, au moins, j'avais proposé, tu vois. Voilà. Pour lui, passer une bonne journée aussi. Oui, je suis tombé en pleine Fashion Week. C'est la Fashion Week en plein Paris. Non, mais sérieusement. Ah, toi, tu n'étais pas invité alors. Non, bah non, c'est pour ça. J'ai été expulsé. Il y avait un cordon de flics qui l'empêchait de passer. Et il y avait des bombes de meufs un peu partout, des gens fashion et tout. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut m'inviter dans un défilé, ah bah oui. Envoyez un mail à polo@energie.com. D'ailleurs, c'est pas compliqué. La Fashion Week, c'est là où il y avait toutes les affiches de toi avec marqué Wanted. Recherché pour délit de vêtements de merde. La police du bon goût. La police du bon goût, voilà. Et si vous voulez passer en direct à l'antenne, vous appelez Seba au Standard qui a passé une bonne journée. Elle fut excellente. Elle fut excellente. Elle va très bien. N'est-ce pas, car c'est un noble. Bon, eh ben 01 40 71 5000 si vous voulez passer en direct à l'émission, dans l'émission plutôt. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 0071. On fera des appels mal intentionnés tout à l'heure avec Tov qui va se faire insulter comme d'hab. On va saluer Erwan qui est avec nous à Nantes. Salut Erwan. Erwan. Oui. Ah, salut Erwan. Oui. Comment tu vas? Salut, très bien et vous? Eh ben super bien, super bien. C'est la dernière de la semaine. On revient dimanche en pleine forme. Et puis voilà. Et surtout, ce sera notre dernière semaine dans les studios, hein, puisque je rappelle que la semaine d'après, on fera l'émission en direct de LA motherfucker. Ouais. Ah ouais, ça va être cool. Ça, vous allez pouvoir suivre tout ça. En plus, on vous prévoit une petite surprise pour que vous puissiez mieux suivre. Nos aventures à Los Angeles. Bon, évidemment, tout ça dépend de Tov qui me fait déjà des signes en disant ouh, calme-toi, calme-toi, on a même pas encore essayé. Non, mais ça va, tu vas y arriver. Encore. Attends, t'es Tov ou t'es pas Tov? Oui, bah justement. Justement, c'est Tov. Tov, t'engages. Tov, t'engages. Tu t'es engagé là. Tu t'engages. Ah, t'engages. Ah, c'est ça que tu veux. Il s'est engagé, Tov s'est engagé. Il s'est engagé. Allez, voilà. Tu l'es vendu. Je ne m'engage à rien. Déjà, Mickaël n'a pas réussi à se faire livrer le matériel. Non, mais ça va. Tu m'as dit, je vais aller le chercher chez le boulanger. Alors, oui, je vais aller chercher chez le boulanger. Eh bah, chez le boulanger. Ouais. En fait, on va emmener du vrai pain français. On va l'emmener à Los Angeles pour l'emmener. Sérieux, c'est quoi ton truc de merde? Voilà, c'est ça. Ça va être, vous allez voir. Soyez là. On vous en dira un petit peu plus dès qu'on aura fait les essais pour être sûr que ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait être cool. Ouais, Erwan. Ouais. Ouais. Bah là, je suis avec un pote. Eh bah, tu me racontes ta vie, Erwan. Quoi? Non, qu'est-ce qui t'amène, dis-moi. Ouais, on voulait parler des conneries d'internat. Des conneries? Quoi, t'es à l'internat et vous avez déjà fait des conneries, c'est ça? Ouais. Bon, attends, bouge pas. Tu vas en parler dans deux secondes, Erwan. Reste avec nous, là, deux secondes. Et sur Twitter, je sais pas si vous avez vu, il y a un trader, c'est Martin Shkreli, difficile à dire, hein, qui est considéré comme l'homme le plus détesté des États-Unis, ouais. Qui a décidé de se mettre aux enchères. Et si vous remportez l'enchère, vous allez pouvoir le frapper. Mais c'est pour la bonne cause, hein. L'argent est destiné à aider le fils d'un de ses amis qui est mort récemment. Donc, je propose qu'on mette évidemment Toff aux enchères. Hein. Oh non. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Je mets 5 euros. Ah bah alors. Et voilà, je rappelle que je suis déjà aux enchères pour Eric de Monfion et que ça n'a pas ramené beaucoup d'argent jusqu'à présent. 100 000 euros pour pouvoir lui faire un. Ah bah. Bon, venez nous dire vous si vous avez si vous avez déjà eu des délires bizarres sexuels ou autres justement. Est-ce que vous avez déjà eu des pensées bizarres que vous avez accomplies ou pas? 01 40 60. Oui, Amina, tu vas pouvoir nous expliquer ça dans un instant. T'inquiète pas, elle est déjà en train de lever ses mains dans tous les sens. Mais quel ok, mytho, ça va arriver. Voilà, ça va aller. Comme ça. Ça va aller. Ouais, t'inquiète okay, ouais. Pas, tu vas pouvoir parler. Oh là là. Merci, ouais. Deux secondes, ça va. On est à chez 4 heures. T'as le temps là. J'en peux plus. Putain. Ouais, c'est bon. C'est fou ça. Minuit 16. Donc 01 40 71 5000. On va parler des relations un peu bizarres que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir. On fait ça juste après le son de The Weeknd et Daft Punk sur NRJ. Bonne nuit. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from Ebony. She clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side like. kill any pain. Look what you've done. Nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. On est sur Énergie, passez une bonne nuit, minuit 20. On est tranquille à la cool là. Jusqu'à 4h. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël. Ta follow et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Tof a toujours une sale gueule et ça ne changera pas. Dommage. Vraiment dommage. Oh que oui. Il y a Rémi qui dit bonsoir toute l'équipe, toujours à l'écoute. Un petit coup de pelle à Tof. C'est. Ah, et Dame Dame est-il toujours vivant? Bon, là, le coup de pelle est là. Bah, j'en sais rien. Écoute, il appelle quand il veut appeler. Dame Dame, hein, il est le bienvenu. Hein. Ouais. Kevin qui dit allez, ça fait plaisir de vous retrouver après une belle journée. Mickaël, Amina qui m'a répondu sur Snap. Oh. Bah oui, on est des gens polis, nous on répond. Bah, oui. Oh. Tof, enfant de partouze. D'accord, c'est pas ça bien. Fait plaisir. Oh, c'est bon ça, si, c'est génial. Ouais, c'est joli, ouais. Bon, on se fait les appels mal intentionnés dans quelques minutes. On récupère Erwan qui a déjà fait, qui voulait parler des conneries que vous avez déjà eu l'occasion de faire à l'internat. Et il y avait le deuxième sujet aussi. Est-ce que vous avez déjà eu des délires bizarres sexuels ou est-ce que quelqu'un vous a déjà proposé de faire quelque chose de bizarre sexuellement parlant? On demandera à Tof parce que Dieu sait qu'il a des histoires à nous raconter là. Et 01 40 71 5000, oui. Numéro du standard si vous voulez passer en direct dans l'émission. Et 02 703 007 1 si vous voulez passer en direct et que vous êtes en Belgique, n'hésitez pas. On va revenir avec le son des Jonas Blue. Et je vous rappelle que FIFA 17 est à gagner sur le Twitter de l'émission en exclu, enfin en exclu, sur le Twitter ce soir, hein, jusqu'à 1h, on tire au sort, à 2h aussi, à 3h aussi, on en fera plusieurs, on a plusieurs copies à vous offrir, copies originales bien sûr. Hein. Donc vous venez sur MIKL officiel, le mec ça mêle les pinceaux avec tous les mots là, MIKL officiel, veuillez me follow sur le Twitter de l'émission, on fera les tirs au sort tout à l'heure, bougez pas, on se met la pub et on revient en direct juste après. MIKL sur Énergie, toutes les nuits de minuit à 4h, 01 40 71 5000. Vous gagnez sur le pack énergie Apple et Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple, Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ. Gagner des consoles PS4 pour la sortie du film Les 7 mercenaires avec Énergie. Je crois qu'on va devenir potes. Écoutez Koé de 19h à 22h sur Énergie et gagner des consoles PS4. Je parie que ça va mal finir. Les 7 mercenaires avec Denzel Washington et Chris Pratt, actuellement au cinéma. Aidez-nous, je vous en prie. Avec Énergie, it's music only. Énergie. Music only. just a dream. That's what it means to crush. Now that I'm waking up, I still feel the blow, but at least now I know it wasn't love. It wasn't love. It was a perfect illusion. Mistaken for love. It wasn't love. It was a perfect illusion. It was a perfect illusion. It was a perfect illusion. Mistaken for love. Mistaken for love. Mistaken for love. I'm over the show, yeah, at least now I know. It wasn't love. It wasn't love. It was a perfect illusion. Mistaken for love. It wasn't love. It was a perfect illusion. Que la nuit, c'est un lieu secret. Un lieu magique. Chaque nuit est un événement. Parce que la nuit n'est pas faite que pour dormir. Et que la nuit, il se passe bien des choses. Mickaël s'installe tous les soirs, de minuit à 4h. Alors profite-en. C'est sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Ouais, d'ailleurs, venez follow le compte de l'émission, là. Mickaël officiel, M-I-K-L officiel. On vous offre FIFA 17. Voilà, on en a plusieurs à vous offrir. On tirera au sort parmi ceux qui auront retweet le post qu'on a mis avec l'image de FIFA 17, justement. Donc venez, hop là, on se retrouve donc sur M-I-K-L officiel. On va prendre Céline qui est avec nous. À Dunkerque, salut Céline. Salut. Ça va Céline? Ça va et vous? Ça me fait toujours marrer cette ville parce qu'en général c'est toujours moi quand on fait un canular avec quelqu'un du Nord, je suis toujours Michel de Dunkerque. Dunkerque. Ah, je suis Michel Dunkerque. Non mais faut arrêter, Dunkerque on n'a pas tout l'accent non plus. Non, je sais. Oui. Non mais c'est la même chose. Bon, les Marseillais ont tous l'accent, mais je veux dire les Belges par exemple ont pas tous l'accent belge. Ouais, c'est vrai. Les mecs du Nord ont pas tous l'accent du Nord. En revanche, les Parisiens ont tous l'accent parisien. Mais on n'a pas d'accent à Paris. Mais t'es pas parisienne, toi? Bah si. Ah bon? Bah oui. Ah, c'est nouveau, ça, alors? Ouais, on est des banlieusards. Ouais, mais c'est pas Paris, ça. Excuse-moi, c'est je pareil. Suis née à Versailles, pareil. J'ai vécu toute ma vie ici. Paris, c'est les 20 arrondissements. Représente Paris, voilà. Ça, c'est Paris. Ça, c'est le complexe des gens qui ne sont pas d'ici. Vous êtes des îles de Français. Nous allons des îles, ouais. Je tiens à signer, d'ailleurs, j'ai fait une remarque intéressante sur Toff. N'oublie pas que Toff est un immigré. Oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai qu'il est immigré. Il habite en France, mais il n'est pas français. C'est ça. Je le vois là en train de me regarder avec son. Tout sur le cul de ta mère, fille de pute. Voilà, c'est ça. Il n'est pas. T'es pas français, Toff? Non. T'es immigré? Oui. Voilà, c'est ça. Et il fait oui. C'est genre, mais c'est vrai. Hein, et c'est tes vrai. Papiers sont à jour? Oh, ça, c'est pas sûr encore. Hein. C'est Schengen, madame. Ah oui, c'est vrai. Schengen, j'ai le droit, la liberté de me déplacer dans toute l'Europe. Où je veux. Sauf en Angleterre maintenant. C'est terminé, ces conneries. Bon, Céline. On avait déjà pas vraiment le droit. Ouais, c'est vrai. Bon, Céline, t'appelles Dunkerque? Ouais. Et t'as pas que ça qu'à foutre? Non. Ça bon, alors raconte un petit peu qu'est-ce qui t'amène, Céline. Virginie du Sac Neuf. Tu parleras quand on aura l'autorisation de parler, Virginie du Sac Neuf. La merde. Va te faire enculer, gros. Eh ben si tu veux. Bon, alors vas-y, Céline. On parlait tout à l'heure de si vous êtes tombé déjà sur des mecs ou des meufs ouais. qui vous ont fait des propositions sexuelles complètement barrées. Très bizarre. Voilà. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu. T'es tombé sur Toff, toi, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais, c'est le même style. Raconte. Non, je suis tombée sur un garçon, donc mon ex-copain, qui m'a proposé de faire l'amour en me droguant au LHD parce qu'il voulait voir si ça faisait de faire l'amour à un mort. C'est une blague. Alors. Oh, j'adore. Génial. Oui, je voudrais baiser ton cadavre. Mais attends, mais. Mais c'est quoi ce dingue? Et attends. Il t'a dit ça comment? Bah, il m'a demandé si je voulais bien prendre des drogues pour essayer. Enfin, personnellement, j'en prends pas, donc ça clôt le sujet. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit bah parce que j'aimerais bien faire l'amour avec quelqu'un qui est pas conscient. Mais dans ces cas-là, enfin, tu baises à mort. Oh. Et il me dit bah oui, c'est ça. Clairement, il me dit j'ai envie de voir ce que ça fait. Du non répondant. Je fais ah d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce dingue? Faut les signaler, ces gens-là. Mais il est fou. Oui, non, mais c'est assez spécial. Et alors, et t'as répondu quoi? Ben, j'ai répondu non, évidemment. Non, mais bien sûr, t'as répondu non, mais t'as répondu quoi dans l'absolu? Dans l'absolu, rien. Je suis restée un peu. Sur le cul, quoi. Ouais. La vache, putain. J'avais alors, ça, plus c'est trop quand quoi même... dire. Ça c'est génial. Putain, on fait l'émission, on va pas spécialement celle-ci, mais des émissions de libre antenne en règle générale depuis des années, mais celle-là. Ah oui, c'est je l'avais jamais entendu hein. Alors magnifique. Là, le mec qui demande à sa copine de la droguer parce qu'il a envie de voir ce que c'est de baiser un mort. Non mais là c'est trop. Ah, c'est sublime. j'adore, il est bon lui. C'est comment il s'appelait, c'était quoi son prénom? Christophe. Dylan. Ouais. Incroyable. C'est quand même un peu des tarés les Dylan, hein. Ils sont un peu bizarres en général. Oh, vache, putain. Et je venais de Paris. Ah oui, mais c'est un faux parisien. Ouais. Non, si il habitait Paris et il a déménagé, mais il est né à Paris. Il vient d'où de base? De base, de Paris, il est né là-bas, mais après. Je crois pas trop. On sait c'est pas. C'est le pro parisien. Enfin, bon, écoute, bah merci pour cette petite histoire, Céline. Là, tu nous as gagné la soirée. Hein. Alors là, bah, je peux te dire. Je suis avec ça pour faire plaisir. Ah oui, eh ben, tu vois, il n'y a que ça pour nous faire plaisir. Céline, si t'es mignonne, je veux bien me déplacer à Dunkerque. Et à moi, Dunkerque. J'ai pas des délires bizarres. Hein. Moi, ouais, c'est ça. Oh, non, bah non. Je suis désolée, mais là, je suis reprise maintenant et tout va bien. Il ne fait pas de proposition bizarre. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah, en même temps, j'ai pas de proposition bizarre. Le mec veut quand même s'essuyer et je fais des filles. Mais c'est rien. C'est pas du tout. Bon, par rapport à l'autre qui veut baiser une morte, oui, effectivement, c'est rien. Oui, non. Regarde. Imagine Amina, t'as pas le choix. T'es avec un mec, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Soit il te demande de te droguer parce qu'il a envie d'avoir le sentiment de baiser une mort, comme dit Céline. Soit le mec doit éjaculer ses sueurs dans tes cheveux. Tu dois choisir, t'as pas le choix. La terre va exploser, tu sais. Mais y'a même pas à choisir, on le quitte direct et c'est tout. Non, tu meurs là, t'es en train de mourir. Vraiment, tout le monde meurt. Tout le monde, la terre entière. Tout le monde meurt. Non, mais les cheveux, mais je veux dire, ça va mal finir pour lui par contre. Voilà, la terre explose. Ah non, mais vraiment. Oh mais ça va, c'est rien. Mais c'est rien. Est-ce que mes cheveux ressemblent à du sopalin dégueu. Honnêtement, c'est de la prote. J'en ai rien à foutre de la prote. C'est je m'appelle bon pas Seba moi pour prendre de la prote. Non. C'est de la prote, mais calme-toi, c'est rien. Ah non, calme, ça me donne calme. D'accord. Bon, ben merci Céline, je te fais des gros bisous. Pas de rien. Et à bientôt. Hein. Bonne soirée. Ça roule, pardon. Ciao à toi Céline. J'ai reçu un mail de Erkan qui voulait réagir, mais Erkan, on a essayé de t'appeler, mais apparemment t'as mis un filtre. Genre t'es une star et tu veux pas qu'on t'ait les numéros masqués t'appelles. Ah. Donc tu pourrais enlever le filtre. En fait, ça nous permettrait de t'appeler Erkan. En fait, ce serait plus sympa. Il y avait une belle petite anecdote à nous raconter d'un moment où il est passé à Singapour. Voilà. Ah. Donc bon Erkan, vas-y. Ou alors tu nous appelles hein, 01 40 71 5000. Il y a Roxane qui dit c'est parti avec les meilleurs. Mickaël Toff, Polo, Amina, Seba. Oui. T'as fait une erreur, hein, c'est pas être dedans, c'est bizarre. Bonne nuit à tous, merci Roxane, gros bisous. Julie aussi sur le Twitter. J'ai besoin d'un esclave. Toff est-il dispo? Mais Mickaël, oui, toujours. C'est urgent, ben, bien sûr, t'inquiète pas. Enfin, si Polo veut bien le prêter, parce que je rappelle que Polo a payé et tous les week-ends, c'est son meuble, hein, il en fait ce qu'il veut. Je m'en sers comme table basse et je peux mettre mes pieds dessus. C'est un lampadaire, des fois il tient des emplois. C'est bien. Dimanche dernier, c'était le lampadaire. C'est ça. Et donc, oui, je veux bien te le prêter, mais moyen en finance. Voilà, évidemment. Je prête pas mon esclave comme ça. Attends, voilà. Attends. Un message, il dit à l'internat, j'ai fait manger mon sperme que j'ai mis dans du pain de Minutella. Et avec des amis, on a visité la cantine, on s'est servi dans les frigos. Bis à l'équipe, c'est Johan de Tours. Et toi, Erwan, t'as fait quoi comme connerie à l'internat? Erwan? Erwan? Oui. T'as fait quoi comme. Là. Ah, ben je me doute bien, ça s'entendait pas comme ça au premier abord. T'as fait quoi comme connerie, toi, à l'internat, puisque tu voulais en parler? Bah nous on avec tout ce qui bouffe, on a les glacières pour les bouteilles, on a le micro-ondes. Je n'ai pas compris ce que tu as essayé de me dire. Les glacières dans les bouteilles. Le micro-ondes. On commande des pizzas. Non mais construis une phrase. Hey, ouais, construis une méchant, Erwan. Essaye de faire une vraie phrase. Commence par sujet, verbe, complément, point et on revient à la ligne. Ouais, mais c'est parce que je suis pas seul, il y a tous les gars de l'internat. D'accord, mais après ils peuvent passer s'ils veulent, mais chacun son tour, parce que sinon on comprend rien. Donc tu disais. Donc, on a des glacières pour les bouteilles et tout, micro-ondes pour les pizzas, les lits sur les bureaux et tout. Y a aussi bien sûr fumée dans les salles de bain. Ouais. Ouais, mais je vois, c'est quoi le rapport? Parce que tu dis, ouais, on a les frigos. Bah oui, à la radio aussi on a un frigo, mais. T'as fait quoi avec le frigo? Avec les glacières, avec le four, pour les pizzas? Ça c'est pour tout ce qui est de la bouffe. On n'a pas le droit d'amener de la bouffe dans l'internat. Ouais. Mais on se fait virer sinon. Mais autrement, pour tous ceux qui fument dans les internats, les ventilos. Non, attends, parce que non, Erwan, on a toujours pas compris ce putain de frigo et ce four. C'est quoi le truc? Tu dis ouais, les conneries, machin. J'ai quelque chose. Le four avec les pizzas ou les frigos, les glacières. Bah oui, c'est qu'on bouffe dans l'internat. Oui, mais il faut bien que tu manges à un moment. Oui, mais non, on mange au sèche. Non, mais t'es en train de faire. Tu réagis à quelque chose ou. Non, mais en fait, c'est-à-dire que c'est l'instant gangster. Ils ont mangé en dehors des heures de cantine. Ah, t'es un gangsta. Ou plus à 3h du mat. Mais... Ah, d'accord, ok. Ouais, là, ouais, très chaud. Tu nous as tués là. Genre, tu fais quoi à 3h du mat? Kebab. Ah, okay, oh putain. Là, c'est du lourd. Alors là, c'est du très lourd. Erwan, tu nous mets l'eau à la bouche. Je vais encore une fois te faire attendre. On va s'écouter Jonas Blue. Je vais te reprendre après parce que là. Voilà, c'est trop lourd. C'est du trop lourd. Ah, faut que je me remette de tout ça. Bon, on va se faire les appels mal intentionnés aussi dans quelques minutes. Et à 00h35, on est en direct. On est sur Énergie toutes les nuits. Le dimanche également de 20h à minuit. Et FIFA 17 à gagner sur le Twitter de l'émission. Vous tapez simplement pour gagner MIKL officiel. On vous attend. I saw you yesterday. I'm not wasting your time. I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now. I don't want you to go. You're here with me now. I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Passez une bonne nuit et il est minuit 38. Être à l'aise. À l'aise. Ne se soucier de rien. Profiter du moment présent. Ne se soucier ni d'aujourd'hui ni de demain. Être tranquille. C'est ça, Mickaël, sur Énergie. Être en paix et être tranquille. Tous les soirs, de minuit à 4h. Et le dimanche aussi, c'est de 20h à minuit. Il y a Mike qui dit encore une nuit sur la route en votre compagnie. Bonne émission à tous. Merci. Et coup de pelle au chien de la casse. C'est Tof, le message est passé. Salut Mickaël et l'équipe, c'est Max du 62, le livreur de Médoc Radioactif. Un plaisir de vous entendre comme tous les soirs pendant le taf. Eh ben, salut à toi Max et bonne route. Et Thomas aussi, salut l'équipe. Super leçon de David Guetta tout à l'heure. Trop content de vous entendre les mecs, avec plaisir. Et puis merci à toi. Et salut Énergie. Ah oui, je l'avais déjà lu. Et Julie qui nous salue aussi. Et ben, salut Juju et tous les messages encore aussi qui arrivent avec le hashtag et Mickaël sur le Facebook, sur le Twitter, sur Instagram également. Venez nous rejoindre, vous tapez M-I-K-L officiel. Alexa Yono dans quelques minutes. Je vous mettrai aussi le son de Sound of Legend et Ellie Goulding. On va se faire les appels mal intentionnés maintenant. D'abord, le générique. Nique ta mère. Nique ta mère. Fils de pute. Fils de pute. La chatte de la con de ta mère à la pute. Christophe. Enculé. Sapata. Je te nique le troufion de ta grand-mère, la chore qui fait du jet ski. Et voilà, le générique des appels mal intentionnés qui nous permet donc de parler de masturbation chez les femmes. Et donc la masturbation chez les femmes est de moins en moins un tabou. Même Amina a avoué qu'elle se touche assez régulièrement et elle a quand raison. Ça mais t'as raison. Non mais je n'ai rien dit. Non mais t'as raison de le faire. Bah très bien. Non, on s'est compris, c'est okay, vrai, elle okay. n'a rien dit. C'est ah, vrai, elle, ah. ah oui. Voilà. Elle n'a rien Ce dit. Ce n'est pas Amina, c'est une amie. Tout à bah fait. Oui, évidemment. C'est une Amina. Quelle... Ah, attends. C'est ça. Voilà. J'en ai marre. Voilà. Donc, dans une étude du magazine Cosmo, elle serait 75%. 75%. 75%. Combien Non, merde. C'est veut dire en flamand. Non, c'est pas juste flamand, pas de l'allemand. Il y a 75% et en allemand Sieben und Ouais, merci. C'est gentil, merci de nous avoir. On salue l'Allemagne. Ouais. Non. 75. Qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin bon, bref, vous avez compris, hein, 7-5 quoi. 7 et 5, ouais. Donc elles ont 75% à admettre se faire plaisir toute seule quand elles n'ont pas de mec. Et près de 40% d'ailleurs, même quand elles sont en couple. Ah bah c'est bien ça. Tu le fais, Amina, quand t'es en couple ou pas? Ouais, ça dépend. Mais si je le vois pas. Ouais, non, bah non, ouais, pourquoi pas, ça dépend. Franchement, d'accord. Ça dépend. Actuellement, elle le fait d'ailleurs, actuellement. Pendant qu'on parle. Quoi? Non, mais t'imagines, n'importe ben quoi. Elle a son petit œuf qu'elle allume de temps en temps. Et il n'y a pas de mal. Boulot. Et il n'y a pas de mal. Ben non, il n'y a pas de mal, évidemment, en public devant les gens. À en public, on n'est pas en public, on est là en intimité. On est entre nous, là. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. J'y on est entre gens de bonne compagnie. Ah bah évidemment, bah voilà. Allez-y. Bah voilà, bah oui. À Carrefour. Bon, là, on est à Carrefour. Bon, Toff, tu vas vérifier avec tes amis si, si leur femme se touche. Bah allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Toujours grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Toff. Continuez évidemment. C'est toph@energie.com. Si vous connaissez des gens un peu ouf dans leur tête comme ça. J'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Ou comme ça. Je vais mettre dans votre anus, des sales. Votre sale anus. Votre sale anus, où ça? Je vais couper vos couilles, je vais les foutre dans votre sale gueule. Voilà, tout est sale chez toi. Hein. Sale anus, oui. Sale gueule, enfin bref. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir s'il arrivait à votre femme de se masturber, monsieur. C'est quoi? Est-ce que votre femme, elle se masturbe parfois, monsieur? C'est Tof, monsieur. Hein? Non, je dis c'est Tof. C'est qui? Bah, c'est moi, monsieur, puisque vous m'avez demandé c'est qui, je vous ai dit c'est Tof, donc Tof, c'est moi. D'accord, oui. Bah, Tof, monsieur, je viens de vous le dire. Ah, d'accord. Voilà, mais ça me dit pas, alors votre femme, elle se masturbe ou pas, monsieur? Allô? Moi, je serais lui, je parlerai encore moins fort. Oui. Pour être sûr vraiment qu'on l'entende pas du voilà, tout. Bon, on va quand même le rappeler, des fois que ce soit son téléphone, le réseau, bon, je sais jamais. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. T'es qui, toi, cette inquiétude? Tof, monsieur, je vous l'ai déjà dit, en fait, que je m'appelais Tof. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, je voulais juste savoir si votre femme se masturbe, c'est tout, monsieur. Enfin, ouais, c'est bien te faire enculer, toi, d'accord. Bah, enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ça n'a aucun rapport avec la question. Ah, on l'entendait mieux, mais par contre, il n'a pas parlé beaucoup plus longtemps. On va quand même le rappeler. C'est dommage. Attends. Allô. Voilà. Ah, bah, non mais monsieur, attendez. Moi je vous rappelle ce que vous répondez pas à la question. Allô. Oui, rappelle-moi avec ton numéro. Mais masquer la tête de vite, hein. Mais rappelle-moi avec ton numéro. Je peux pas monsieur, c'est maman, elle l'a bloqué dans le téléphone. Mais si vous voulez je vous le donne mon numéro. Voilà, donne-moi ton numéro. Alors oui. Donc c'est 01 Voilà, en plus. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc 0140 71 50 00. T'es un bon, toi. Voilà. T'es un bon, toi. Maintenant que je vous ai donné le numéro, vous pouvez répondre à la question. Voilà, voilà. Voilà. Mais demande à ta femme. J'en ai pas, parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. J'ai un cuillé hier soir. Tu demanderas comment c'était. D'accord. Mais non, monsieur, allez, dites pas ça. Ah merde, il a nouveau raccroché. Oh, quel attends, relou. On va le rappeler encore une fois. Non, j'étais en train de me marrer. On va le rappeler parce qu'il y a OL Forever sur Twitter qui m'a fait rire. Il dit Amina, elle chante la chanson de Top, mais elle dit que jet ski. Bah oui. Oui, c'est ça. C'est le seul truc qui est pas vulgaire. Exactement. Jet ski. Voilà, elle a chanté, c'est bien. Bon, on va rappeler le monsieur. Oh, c'est encore toi, espèce de con. Tu commences à me pomper un fameux coup, hein. Mets-toi là dans le cul, espèce d'imbécile. Mais enfin, madame... Je pour... préviens, moi, je vais t'enregistrer, je vais porter plainte, hein. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Tu commences à bien faire, hein. Bah, non, madame, espèce enfin, pas... Espèce de PD, bah. Non, madame, ça se dit pas, c'est homophobe. Allô? Elle est énervée, la dame, hein. Ah bah... Putain, c'est pas le même que le mari, hein. T'imagines, c'est vraiment le côté pile et face, quoi. On sent qu'il porte la culotte à la wow. maison. Bon, rappel. Mec, il était tout tranquille, tout calme. En tout cas, c'est pas lui qui porte la culotte, hein, ça c'est sûr. À mon avis, je pense que ça doit être Amina qui porte la culotte chez elle, non? Oh oui. Je pense. Bienvenue sur voicemail. Oh putain. Dommage, je suis vraiment dommage. Je suis déçu, j'aurais bien reparlé un peu avec madame. Ouais, franchement, ouais, moi aussi, ouais. Bon, c'est pas grave, on va prendre Abdel à Reims dans un instant. Dites-nous si vous êtes déjà tombé sur un gars ou une meuf qui vous a proposé un truc sexuel, mais complètement barré. Que ce soit votre copain, votre copine, votre ex, peu importe. Et vous avez accepté ou pas, peu importe, hein. C'est pas ça la question, c'est juste de savoir si ça vous est déjà arrivé, comme l'auditrice qu'on a eue tout à l'heure, qui nous a dit que son ex, donc, lui avait proposé de la droguer, évidemment, avec son accord, hein, dans le but qu'elle soit complètement ravagée et qu'il puisse bah coucher avec elle pour avoir les sensations de baiser un mort. Il faut normal. Quand même être complètement barré dans sa tête, hein, pour ça. Donc dites-nous si ça vous est déjà arrivé. 01 40 71 5000, vous appelez le standard. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 0071. Et puis tirage au sort pour FIFA 17 sur le Twitter de l'émission. C'est dans quelques minutes pour le premier de ce soir. En tout cas, il y en aura d'autres. Si vous voulez nous rejoindre et tenter votre chance, venez me rejoindre, venez me follow sur Twitter. C'est MIKL officiel. Baby, I like your style. On your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray And that's why I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un maní el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que we win. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance. more time before I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. On est sur Énergie. Allez, passez une bonne nuit. C'est Alexa Youno qui était avec Koé tout à l'heure. Hein. Toutes les vidéos, évidemment, sur la chaîne YouTube de Koé. Parce que la nuit, c'est le désert à la radio. Personne n'est là pour toi. Tout le monde t'a abandonné. Mickaël est en direct sur Énergie. Une oasis pour t'accompagner la nuit, mais... Attention au mirage. Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Et oui, le dimanche aussi, de 20h à minuit, il y a Madison sur Facebook qui dit « Moi, je l'avoue et je l'assume, peu importe si je suis en couple ou pas. Parfois, la jouissance personnelle, il n'y a rien de mieux. De plus, ça détend. » Oui, c'est vrai qu'il y a des endorphines qui sont dégagées, tout ça. Ça aide à dormir. D'ailleurs, Toff, c'est son somnifère numéro 1. C'est vrai. Voilà. Une petite branlette avant d'aller dormir et la nuit se passe très bien. Voilà. Donc, tu sais maintenant, Amina, que tous les soirs, il se branle avant d'aller dormir. Oui, en pensant à elle, comme ça. Non, mais calme-toi, par contre. En bah pensant quoi, à moi. Mais en même temps, tu peux pas l'interdire. Bah oui, je fais ce que je veux, merde. Non, mais d'accord, mais j'ai ne mes me fantasmes. Dis pas. Non, mais je rêve. Catastrophe. Mais encore, bon. Tu le connais pas encore. Ah ouais, tu c'est clair. On l'insulte à longueur de journée. Tu vois, c'est pour je ça. Je commence à comprendre. Ouais, bah voilà. Merci de nous faire passer des superbes nuits au volant de nos camions, en votre compagnie. Changez rien, les routiers de la night en force. Et bah salut à vous. Et Laurie sur le Twitter, dernière nuit de travail où je peux vous écouter du début à la fin. Vous avez manqué la meilleure équipe. Entre nous. Oh non, Laurie. Bon, on est là le dimanche aussi. Puis il y a les podcasts sur energie.fr. Tu peux évidemment tout télécharger gratuitement. Ça tombe sous le sens. On va dans quelques minutes donc se faire le canular du jeudi. J'ai presque oublié, dis donc. Hein. Canular du jeudi, PS4, Xbox One, tablette Samsung Galaxy Tab E à gagner. Si vous voulez piéger quelqu'un, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous nous appelez maintenant 01 40 71 5000. Et on va prendre Abdel de Reims. C'est là, Abdel. Salut l'équipe, comment ça va? Salut Abdel, ça va? Bah, la forme, tranquillement, et vous? Bah ouais, ça va, nickel. Alors, Abdel, raconte, tu voulais réagir, toi, par rapport à une ex ou un ex qui t'a déjà proposé des trucs complètement improbables sexuellement? Alors c'est pas un ex ou une ex, c'est un ami, c'est un très bon ami à moi. Oh non. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion de rencontrer Toff, hein, peut-être un jour. Ça viendra. Ouais, bientôt, ouais. Je ne précipite pas les choses. C'est vrai, ouais. J'espère que ce jour sera loin. Oui, j'espère pour toi aussi, va, t'inquiète. Donc non, en fait c'est un très bon ami à moi, en fait, il y a 3 ans qui voilà, il venait d'avoir sa première femme. Et il n'osait pas, en fait, lui avouer à ce moment-là. Enfin, même nous, on n'était pas vraiment au courant qu'il était bi. D'accord. Et donc, lui, pour pouvoir, en fait, profiter de ça, des hommes et des femmes en même temps, il m'a proposé de le sodomiser pendant que lui faisait l'amour à sa femme. Mon Dieu. Donc, Amina, elle se dit, voilà, putain, quoi, qu'est-ce que je suis venu faire chez les débiles de la nuit. Attends. C'est un pote à toi? Mais genre, un mec que tu connais bien? C'est un ami à moi. Franchement, c'est un gars que je connais très très bien, quoi. Putain, moi je crois que je peux le frapper, quoi. Mais là, ça se voit, t'as la veine et tout du front qui ressort. Bah écoute, justement, parce qu'il y a Seba qui voulait savoir quand il sort avec sa meuf si tu peux l'enculer. Je peux payer très cher pour voir ça. Rigole pas, Thomas. Moi, je mets l'oseille. Alors, ah non, c'est drôle. Rien à foutre. C'est clair. Le salaire annuel. Oui, là, c'est drôle. Rien d'accord à foutre. Tu verras, c'est drôle. Est drôle. Ah oui, bah, rigole. Après l'histoire, non. Rigole. J'hypothèque ma maison pour voir ça. T'as une maison, Amina? Rira bien qui rira le dernier. C'est pas grave, l'hypothèque, les gens de sa mère, de n'importe qui, on s'en fout. Et alors, Abdel, c'était quoi ta réaction? Et donc, j'ai eu le plus gros bug de ma vie. Ouais. Donc pendant 5 bonnes minutes, je voyais blanc, j'entendais plus rien. Ça... Ouais, mais mec, tu vas voir un médecin, on va voir un ophtalmo si t'as des problèmes de vue comme ça. c'est ce que j'aurais dû faire, ouais. Et bah, même sa femme en plus qui était à côté, parce qu'en fait il nous l'a proposé en même temps, donc à sa femme et à moi. Mais non, merde. Et alors, sa femme, elle devait être contente d'apprendre ça. Bah, elle est partie de l'appart super en colère, énervée. Et en fait, elle est revenue en fait en se disant, bah écoute, si toi tu veux ce genre de fantasme, bah dans ce cas-là, je veux me faire sodomiser par 2 blacks. Deux. Elle a dit ça pour la vanne, j'imagine. Voilà. Et lui, en fait, bah à ce moment-là, il a fait une tête de déterré et il nous a fait une dépression pendant une semaine. Oh merde. Et là, il a appelé 2 potes à lui et il a dit, bon les gars, si vous voulez, vous pouvez y aller. Merde. Bah, j'aurais dit oui, en fait, ça aurait été la femme toute seule, j'aurais dit oui, mais malheureusement, dans le lot, il y avait lui au milieu. Ah non, mais ça m'aurait pas pensé, quoi. C'est pas possible. Bah, c'est surtout c'est... qu'en fait, je le connais depuis très très longtemps. Non, mais même quoi. si tu le connais depuis deux heures, c'est pareil. Non, mais à la limite, c'est un délire que tu peux faire avec des gens que tu connais pas, tu vois, pas un pote. C'était avec ta meuf, machin, tu vois. Ah oui, de toute façon, si vous faites un plan à trois, évitez tant que possible les amis ou les connaissances. Bah hein, faut faire ça avec des inconnus, parce que sinon, après, c'est la galère. Hein. Il y a toujours une voiture, il y avoir une enfume si après. Et tout. Même si c'était pas une connaissance, en fait, le problème, c'est. Disons, oui, c'est dans le un mec, bien sûr. Pour lui. Bah déjà ça, et puis en même temps, à côté, au niveau du corps, il ressemble un il se rapproche pas loin du corps de Toff, hein, donc. Non, mais même, non, c'est mais pas même, franchement, c'est Brad Pitt, tu peux pas, quoi. Enfin, tu peux pas. Si t'es gay, bien sûr que ça, tu vas pouvoir. Mais si t'es pas gay, c'est pas possible, tu peux pas. Enfin. Voilà. Et donc, lui, il a essayé, en fait, il a proposé ça à deux autres personnes aussi avant moi. Ouais. Et il a eu une seule réponse positive, mais ça s'est passé parce que sa femme a menacé de rompre avec lui si jamais. Ah bah oui. Si jamais un mec venait par derrière. Il a eu une seule réponse, voilà. Et genre il envoie son CV. Mais ouais. Il y a Vin sur Twitter qui dit mon pote me demande de l'enculer, sérieux, c'est plus mon pote, il m'approche plus. Mais oui. Et il y a Jeanne-Françoise qui dit son pote, il vient pas de menton. C'était Eric de Montfion, non ? C'est pas Eric ? Oui, mon lapin. Peut-être sa version plus jeune, sûrement. Ah, peut-être. Et moi, Nadia, je veux bien essayer, mais seulement avec Jackie. Nadia Le Prince qui est arrivé, qui est de retour, qui dit waouh, je me sens tellement normal lorsque j'entends des délires comme ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. C'est vrai que là, tout de suite. Tout de suite, t'as plus. Bah oui. Non, mais je dis justement, tout de suite, en entendant des trucs comme ça, tu te dis que finalement, Toff n'est pas si anormal. Non, ça va en fait au final. Non, mais je me sens. Il a des délires bizarres, mais pas. Ça va. C'est ton pote, il y a des, il y a plein de mecs qui sont capables de, tu sais, sur des sites internet qui le feraient gratuitement, tu vois. Oui, mais t'as plein de sites de rencontres pour des trucs comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est sa première. C'est vrai. C'est oui, surtout parce qu'en fait, il a envie de tenter ça avec sa meuf, et c'est sa première fois aussi, quoi. Donc, il avait pas envie de le faire avec des. Enfin, il s'était dit avec des personnes qu'il connaît, ce serait plus rassurant, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais ouais, mais lui trouve pas des excuses. Le mec, il a un problème. Il y a un moment donné, c'est. Bah, il dit. Non, mais qu'il se fasse enculer, c'est pas. Enfin, si, c'est un problème, mais bon, il fait sa vie. Mais devant sa femme, il vient de se marier, l'autre. Elle est. Et tu sais, elle pense enfant, mariage, tu vois, la belle vie. Elle pense vacances, chien, pavillon de banlieue, break, tu vois. Bah, ouais. C'est ça. Elle pense regarder la télé. Bloqué, hein. Voilà, bah oui. Bah, forcément. Surtout, elle lui a balancé, mais des menaces que jamais il a entendues. Hein. C'était du genre, je vais retourner chez ma mère, fais plus de gosses, on baisse plus pendant un certain temps. Elle a raison, c'est scandaleux. Attends, c'est pas. C'est ouf. Bon, enfin, bon, bah écoute, merci Abdel pour la petite histoire. Hein. Ouais, je peux faire une petite dédicace avant ? Vas-y, profite. Oui, je cherche un mec. Ouais. Cherche un mec pour un plan cul. C'est pour aider donc un peu. Je propose déjà l'annonce, hein, donc d'abord à Toff si jamais il est intéressé. Hein. Évidemment. Oui, bien sûr, moi je suis toujours intéressé. Je te le présenterai. Et puis, bah, petite dédicace à Kiki et Lolo. Très bien. Et puis aussi un big up à vous toutes, l'équipe. Hein. C'est gentil. Comme ça, vous êtes les meilleurs. Bon, bah, merci beaucoup en tout c'est cas. C'est vrai, ça c'est vrai ça. Merci. Non, c'est vrai. Et tu rappelles quand tu vas en tout cas, Abdel. Salut à toi. Un petit coup de pelle à Toff aussi. Avec parce plaisir. Fait, c'est un peu de sa faute en fait si mon pote est comme ça. Voilà, voilà. Le message est passé. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la faute de Toff. De toute façon, dans tous les cas. Bon, si vous avez vécu des petits délires comme ça aussi, appelez-nous au 01 40 71 5000. On va se faire le canular du jeudi dans quelques minutes. Et Amina, on va tirer au sort juste après Sound of Legend. Ouais. Le premier gagnant de ce soir pour FIFA 17 sur le Twitter de l'émission. Okay. Je rappelle que le principe est simple. Vous venez faire un follow sur le compte. Hein, c'est MIKL officiel. Il y a un post avec le jeu FIFA. Bah, vous faites un retweet et on tire au sort parmi ceux-là. Donc voilà, si vous voulez tenter votre chance, bah, il vous reste 3 minutes pour vous inscrire et on tire au sort le premier. Il y en aura plusieurs à gagner ce soir. Le premier donc, ce sera dans quelques instants. Juste le temps d'écouter au cœur de la nuit sans pub, le son de Sound of Legend. Il est minuit 57, c'est Mickaël sur NRJ. On est en direct tous les soirs à partir de minuit et le dimanche également, c'est 20h minuit. sur Énergie. Passez une bonne nuit, 1h du mat, bienvenue. Une équipe de professionnels avec chacun sa spécialité. Mickaël, animateur professionnel, spécialiste du micro et leader de la team. Tof, spécialiste de l'insulte, de la vulgarité et de la connerie. Polo, spécialiste de la joute verbale, agressif et surtout de la mauvaise foi. Amina, juriste, spécialiste des problèmes de filles et seule femme de l'équipe. Et Seba, standardiste, faux muscle et escroquerie en tout genre. Mickaël sur Énergie, tu ne peux pas trouver mieux comme équipe. Tous les soirs, de minuit à 4h. Exact, on est là. Bon, tirage au sort, 1h du mat, c'est parti. Le premier gagnant ou la première gagnante de oui. FIFA 17 sur le Twitter. Donc, c'est qui? Alors, je rappelle le principe, hein, il fallait simplement, et vous pouvez encore le faire, puisqu'on en tirera au sort un autre dans moins d'une heure. Il faut simplement venir me follow sur le Twitter, c'est M-I-K-L officiel. Et puis, il y a une petite image avec le jeu FIFA 17. Il suffit de retweeter l'image. Alors, qui gagne? Roulement de tambour, Florian. Ah, tu voulais un roulement bah de tambour? Bah oui. Bah oui, mais dis-le-moi alors, au lieu de faire ton roulement de tambour de Charlot, là. Bah, c'est pas cher, écoute. Bah oui, économie, bon, hein. Ouais. Merci. Voilà. Il est long, hein. Ah oui, bah oui. C'est le suspense. Bah oui, évidemment. Tu l'as voulu, tu l'as. Hein. Merci. Florian at Flowam avec 3 M sur Twitter. Florian at Flowam. Voilà. Ok, très bien. Salut Florian at Flowam sur le Twitter. Bravo en tout cas. FIFA 17 sur PS4, c'est pour toi. Donc bah du coup lui. On l'enlève du sac, hein, ouais. Pouvoir tirer au sort quelqu'un d'autre tout à ça l'heure. Ça dégage. Si vous voulez, si vous voulez vous inscrire aussi, bah c'est gratuit, hein. Voilà, vous n'avez rien à perdre à part un petit retweet, hein. Et encore, hein, c'est pas comme si c'était bien cher payé pour gagner FIFA 17 donc sur le Twitter ce soir. Vous venez simplement me follow, vous tapez M-I-K-L officiel. N'oubliez pas aussi qu'on vous offre la PS4 en passage, c'est dimanche soir sur le Facebook de l'émission. Mais qu'est-ce qu'on offre comme truc? C'est un truc de dingue. C'est aussi M-I-K-L officiel. Bon, le dealer là, le chef de gang. Erwan. Al Capone. Oui. Erwan, t'es là? Ouais, bon, je suis là. Erwan, le ouf dans sa tête de l'internat, hein, puisque je rappelle que il mange à 3h du mat. Des kebabs. Exactement, et sans que les profs le sachent. Bon alors, wow. Erwan, quoi d'autre comme connerie au niveau de l'internat? Bah, je sais pas, ouais. Ça, c'était l'année dernière avec d'autres gars. Ils avaient déplacé toutes les armoires de toutes les chambres. Ah, ça, c'est marrant, ça. Modifié tout le cadenas. Non, ça, c'est drôle. Mais ça, il faut expliquer que c'est un truc qu'on avait voulu faire. Je crois que c'était un Music Tour ou un Energy Music Awards où on voulait prendre la chambre en fait d'un des animateurs et l'inverser avec celle d'un autre. En fait, prendre toutes ses affaires et les déplacer et inverser les deux chambres. Ouais. Parce qu'on savait qu'ils allaient rentrer torchés et qu'ils allaient pas se rendre compte et que le matin ils allaient devenir ouf. C'est vrai, ouais. Ça, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Non, pour des raisons techniques que nous n'évoquerons pas ici. Mais sinon, c'est vrai que l'idée était sympa, ouais. Bon, et donc, du coup, vous êtes fait gauler à un moment ou à un autre ou jamais? Non, jamais. Ah, dommage. Non, ça aurait pu être drôle pour voir ce qu'ils avaient pris, quoi. C'est quoi ce putain de vibreur là qui vibre non-stop, Erwan? Ça c'est ma faute, ça c'est tous les messages Facebook et tout. Ah, d'accord, ok. C'est le reste du gang. C'est le gang, tu vois. Ah, attends, Erwan c'est la star de Nantes, attention, de l'internat, c'est le caïd. Ouais, bon, et qu'est-ce que vous avez prévu comme prochain plan à faire là dans l'internat, qu'on sache, en exclu? Alors, bah, je sais pas, on a un Lidl en face, on a des pizzas. Ok. Mais quoi, vous faites livrer des pizzas à l'internat? Genre, le livreur il passe par la fenêtre pour vous les donner? Non, on s'en va. Comme on zonzon. Ouais, comme ouais. Comme Habs. Voilà, c'est ça, ouais. Bon. Genre, vous avez des faux téléphones et tout? Mais bien sûr. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Vous avez des téléphones genre en loose day? Ouais. Oh là là! Ouais. Al Pacino de l'internat. Mais quoi. C'est bien, ils sont déjà prêts pour la tôle après, comme ça ils auront déjà toutes les astuces. Super! Ils sauront comment faire passer les téléphones. C'est clair. Bon, Erwan, ouais, dis-moi, tu as encore un truc à dire? Ah bah oui, si vous voulez parler en prison et tout, on a aussi tout ce qui est drogue dans le lycée. Non, mais ça c'est pas bien. Eh mec, t'as 14 piges, vous avez pas autre chose à foutre que jouer avec cette merde? Mange des bonbons. Ouais, prends des dragibus. Mais oui. Moi, ouais, j'en fais pas, perso. Non, mais même, bon, à 14 piges, franchement, pensez à autre chose. Je sais pas, je vous oublie mobile. Non, mais à 14 piges, je vais pas en fumer. Non, mais j'espère, mais enfin, même plus tard, hein, globalement. Mais bon. Bon, Erwan, bon, bah, salut tes potes, en tout cas. Merci d'avoir appelé, les gars. Et puis, salut les caïds. Ouais, salut. Salut à toi, ciao. On va vous envoyer Tof, un de ces quatre. Vous allez voir ce que c'est un vrai caïd. Tu vas voir. Le pauvre, il est vexé. Oh, ça va. Alors, on peut plus rigoler. Non. Ah bah voilà, bah alors on arrête. Alors très bien. Bah voilà, on arrête tout. Allez, on arrête tout. Bah voilà, on arrête tout. T'auras tout gagné. C'est comme ça. Voilà, ça, bravo. Il a tout gâché. Eh bah voilà, putain, on peut jamais rien faire avec. Putain, c'est toujours chier. C'est dingue ça quand même. Bon, et si on se faisait le canular du jeudi. Ah. Voilà, ça c'est un bon plan. Ça, canular du jeudi. Maintenant, on va accueillir David qui est avec nous maintenant. Salut David. Salut. Comment ça va? Salut tout le monde. Ouais, ça va. T'es en forme? Ah ouais. Bon, bah très bien, parfait. En forme pour faire le canular, donc tant mieux. On va faire ça maintenant. Alors, canular que tu veux faire à qui? Dis-moi. Mon cousin Stéphane. Stéphane, très bien. Quel âge il a, le cousin? Il a 32 ans, je crois. Donc, 32, 33. Quoi. Ok, il fait quoi dans la vie? Bah, il fait rien. Il fait rien, d'accord. Mais quoi, chômeur ou vraiment rien? Ouais, il est chômeur. D'accord, ouais. Très bien. Et sinon, il fait quoi à la base? Enfin, je veux dire, il a une spécialisation dans quelque chose. Il a un métier à la base ou pas? Ouais, normalement, il travaille dans le bâtiment. D'accord, ok. Très bien, donc en recherche. Ok. Alors, tu veux lui faire croire quoi à ton cousin Steph? Eh ben, en fait, il laisse sa moto dans mon garage. Ouais. Et je voulais lui faire croire que. Enfin, voilà, que j'ai eu un accident avec. D'accord, moto. Quelle moto? Enfin, je veux dire, tu connais la marque ou. Ça Ducati, un truc comme ça, moi j'y connais pas grand chose. Et comment? C'est une rouge. Rouge Ducati Monstro? C'est quoi, genre une sportive? Ouais, routière sportive. Routière sportive, d'accord. Bon. Y'a pas écrit Monster dessus? Ducati rouge. Non, je crois pas. Non. Bon. C'est Ducati sur le réservoir, je crois. Bon, oui. c'est déjà ça, oui. On connaît au moins la marque, c'est toujours ça de prix. Ok, et donc. De toute façon, il en reste rien, on s'en fout de la oui, marque. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, ça dépend, tu veux lui faire croire quoi exactement en rapport à cette moto? Bah, que j'ai eu un accident avec. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ton garage déjà, la moto? Bah, en fait, lui, il vit chez ses parents, il n'y a pas de garage, il n'y a rien pour stocker, ça fait que. Bon, Il a laissé chez moi, quoi. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Ok, bah écoute, très bien. Et donc, tu veux lui faire croire quoi? Donc, t'as eu un carton avec la moto. Et pourquoi tu roulerais avec la moto? Parce que je voulais lui dire que je suis parti au boulot, je tombe en panne avec ma voiture. Du coup, j'ai dû prendre sa moto. Ouais, obligé, t'as pas le choix. C'est pas mal. Alors, j'ai peut-être une autre idée pour faire intervenir Michel, mais de manière à ce que ça l'énerve encore plus. C'est que tu fais quoi dans la vie? Chauffeur. Chauffeur, quoi? Chauffeur routier. Ah, t'es routier, d'accord, ok. C'est qu'à la limite, t'as un copain routier, Michel, qui voulait absolument faire un tour avec la moto, et qui est tombé avec la moto. Et évidemment, il est hors de question que je rembourse, parce que de toute façon, c'était une moto de merde, enfin, etc., etc. Voilà, je pense que c'est mieux, et au moins, comme ça, il aura peut-être pas le. Bon, peut-être que, tu vois, si jamais t'as l'accident, toi, il va peut-être s'inquiéter quand même si le mec est un peu famille, et peut-être se dire, bon, ok, il y a la moto, mais ça va, toi, t'as rien et tout, machin. Alors que si là, tu l'as prêté, déjà, t'avais pas la prêté, mais tu la prêtes à un abruti qui tombe avec, parce que le mec, de toute façon, s'est pas roulé, et que c'est un branque, hein. Je pense que ça peut vraiment l'énerver pour le coup, là, non? Ah ouais, c'est encore mieux. Là. Ouais, je pense. Hein. Ouais, je sais. En même temps, c'est une idée qui vient de moi. C'est normal. Ouais, oui, évidemment. Bon, on va jouer pour une PS4. C'est une moto italienne, hein, au cas où. Ouais, Ducati, oui. Bah, ouais, au cas où pour faire une vanne sur les motos de Rita. Ah, sur le. Oui, c'est vrai. Il est quoi? Il est français, lui? Il est pas italien ou quoi que ce soit, non? Non, il est français. Ouais. D'accord, ok. Bon, eh ben écoute, je pense que j'ai toutes les infos nécessaires. Donc chauffeur routier, ok. Donc on va dire que t'as un collègue Michel qui est routier aussi évidemment et qui voulait faire un tour avec la bécane et voilà quoi. Ouais, ok, on va faire comme ça. On fait comme ça. Ouais. Bon bah bouge pas. On va se mettre un son. Je te reprends juste après et on fait le canular après ça, d'accord? Ok. Très bien, bah écoute, bouge pas de là, on se fait le canular, on écoute Lee Goulding maintenant, il est 1h09, on est sur NRJ, passez une belle nuit tout le monde, c'est jeudi, on est en live, bienvenue. Fire and ice, this love is like fire and ice, this love is like rain and blue skies, this love is like sun on the rise, this love got me rolling the dice, don't let me lose, still falling for you, still falling for you, it took us a while. With every breath, a new day, with love on the line. We found our share of mistakes, but all your flaws and scars are mine. Still falling for you, still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me, I'm in. And just like falling for you. still falling for you. Falling, crashing. Il est 1h12, on est sur Énergie, on est au cœur de la nuit sans pub, bienvenue. Reste avec nous, ça se passe ici. Mickaël sur Énergie, tous les soirs de minuit à 4h. Il y aura 21 Pilots à suivre, Martin Garrix également et Boosty, ça va arriver juste après le canular. On va aussi récupérer Mathieu, Marc et Emeric également à Toulouse, rapport au, à ce que bah, si vous êtes déjà tombé sur un gars ou une meuf, ex ou pas par exemple, qui vous a proposé un truc sexuel mais complètement barré, vous nous appelez, on en parle, 01 40 71 5000 et on va se faire le canular maintenant, on va récupérer David. Et du coup, t'es toujours là David? Ouais, toujours là. Bon, nickel. Toujours. Alors, pour ceux qui viennent de débarquer, on va donc piéger, puisque tu appelais pour faire le canular, David, on va donc piéger Steph, ton cousin qui a 32 ans, qui a pas de taf pour l'instant. Il a une moto, une Ducati rouge, bah, à laquelle il tient beaucoup, forcément, hein. Et, ben, pour l'énerver, donc il l'a mise dans ton garage parce qu'il a pas de garage, lui. Et donc, pour l'énerver, tu vas dire que t'as prêté la moto à Michel, donc qui est un collègue à toi, puisque toi t'es routier, donc un autre routier, et que, ben, forcément, il est tombé avec. Mais, il est tombé avec, mais pas en roulant. C'est genre, il a voulu la sortir du garage et bam! C'est encore plus énervant. Et une question, elle était assurée ou pas? Ouais, elle est assurée. Ouais. Ah, genre, assuré touriste, si elle tombe, il est assuré ou pas assuré? Assuré tiers ou. Ouais. Bah, ouais, je crois qu'il est assuré routière. D'accord, ah. Ok. Donc, si moi qui la casse, bah, il est pas assuré. Surtout si je suis tout seul. Ouais. Par contre, je vais lui dire que j'ai pris la moto et que je l'ai ramenée à mon dépôt où il y a le camion. Et là, le collègue l'a fait tomber. Parce que si je dis qu'on l'a fait tomber chez moi, il va peut-être douter. Ah, bah oui, il va débarquer surtout. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais il sait pas où tu travailles, toi, le dépôt, il sait pas où il est. Bah, si, mais il y a loin, quoi. Donc. Non, attends. Faisons autre chose. Dis que t'es chez moi. Voilà. Il sait pas où c'est, forcément, ouais, ça n'existe pas. T'es dans quel bled, toi, David? Moi, je suis du nord, à côté de Douai. À côté de Douai, d'accord. Okay. Et où ça exactement? À Vray. À Vray, d'accord. VR. Ouais, c'est un petit village. VROD. VROD, à Vray, d'accord, ok, très bien. Ok, nickel. Eh ben écoute, impec, on va l'appeler maintenant. Donc n'oublie pas, on est. T'as ramené la bécane chez moi, donc dans tout près de Douai. Bon, on s'en fout, on trouvera bien le nom à un moment ou à un autre si c'est nécessaire. Et puis, on va l'énerver, hein. En tout cas, c'est le principe. PS4 à gagner ou une tablette Samsung Galaxy Tab E. C'est parti, on y va. David, je te souhaite bonne chance. Bien sûr, je vais essayer de la retaper avec mon marteau, mon célèbre marteau. Ah bah oui. Ah bah attends, normal. C'est parti. Allô? Allô? Stéphane? Ouais. Ouais, c'est moi, c'est David. Dis gros, je t'appelle, j'ai un remarque tout, c'est ça. Voilà, ils n'entendent pas, vite. Allô, tu m'entends? Ouais, j'entends. Ouais, qu'est-ce que Je suis tombé en panne avec ta voiture. Je sais pas comment dire ça. J'ai pris ta moto. Et quoi? J'ai pris ta moto et. Bah, écoute-moi, t'énerve pas, c'est rien pour l'instant. Et en fait, j'ai un petit souci parce que. J'étais chez mon pote. Bon, dis-lui, dis-lui que c'est pas grave, y'a pas mort d'homme. Hein, tout va bien. Ça va. On va s'arranger. Quoi, qu'est-ce que tu dis à lui? Il a fait tomber la moto. Non, on va s'arranger, quoi, on va s'arranger, il y a rien, franchement, c'est pas grave, c'est on va s'arranger, on va s'arranger. Oh, c'est pas grave, tu fous ma gueule, hein, une bécane à 20 000 euros, c'est pas grave. Ouais, bon, 20 000, ça va, ça reste une italienne, faut pas s'emballer non plus. Hein. Et alors, j'ai galéré toute ma vie pour la. C'est bon, c'est les couilles, lui, c'est qui, lui, déjà. Bah, dis-lui de toute façon qu'il il fera mieux de galérer toute sa vie pour trouver un travail plutôt que d'acheter une moto. Hein. Mais que je suis pas très couille, lui, c'est qui, lui. Moi, je dis ça après, bon, voilà quoi. Bon, de toute façon, dis-lui que ça va, la moto, elle a pas, pas grand chose. De toute façon, attends, bouge pas, je vais aller chercher un peu de matos, je vais essayer de réparer ce que je peux réparer là. Tu touches pas à ma bécane, je te dis, toi, tu touches rien. Bah, t'inquiète, gros, il s'y connaît. J'arrive. Putain, il était carrossier avant, t'inquiète. Ouais, franchement, il y a juste le réservoir qui est un peu plié. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, attends, je vais rebosser dans l'autre sens. Voilà, un petit coup de marteau, tu vois le coup de marteau, tout réparé avec le petit coup de marteau, hein. Attends. Mais touche à rien, toi. Je vais en mettre dans l'autre sens pour mettre l'équerre. Voilà. Oh là là. Comme ça, on peut presque croire qu'elle a été faite comme ça, tiens. Je vais le défoncer. Voilà, comme ça, j'ai. Passe-le-moi, sinon je vais lui expliquer ce que j'ai fait, il sera content. Attends, je te passe, gros. Allô? Si tu veux, lui, j'en ai rien à foutre, ouais. Ouais, c'est Steph? Ouais, c'est Steph. Ouais, c'est Michel. Eh, hey, dis-moi, t'inquiète pas, hein. C'est bon. En fait, il y avait un coup d'un côté, du coup, j'ai refait le coup de l'autre côté, comme ça fait exactement la même chose. Non, mais du coup, t'as l'impression que c'est fait exprès, c'est fait tout neuf, quoi. Pour toucher ma moto, là. Mais je m'appelle Michel. Et alors, t'as pas touché à ça? Bah, attends, moi j'essaie de rendre service, hein, ça va, va pas me faire chier non plus pendant 1000 ans. Mets tes mains pour que tu touches rien. Non, non, c'est bon, attends, moi j'essaie de rendre service, alors tu vas me parler autrement avant que je m'énerve et que je te la détruise ta moto pourrie, d'accord? Putain, bah, tu veux mourir ou quoi? Bah, que je vais mourir de quoi? Ta moto, elle est naze, hein, moi je voulais faire un tour avec parce que ça fait longtemps que j'avais plus roulé en moto. En plus, t'as roulé avec? Bah oui, c'est pour ça qu'il est venu avec. Je lui avais demandé de me la ramener pour faire un tour avec, avec la moto. Voilà, c'est tout, parce que j'hésitais à acheter une moto et finalement c'est nul. Mais tu deviens. Mais putain, mais alors, c'est vous qui finalement t'as roulé avec ma moto, toi. Bah attends, ça va, c'est une moto, il va pas me faire chier. C'est pas comme si c'est une voiture. Encore une voiture, je comprends, mais une moto. Tu les tués tous les deux, là. Bah arrête. Franchement, hey, tu sais quoi, y a pas mort d'homme. Ton cousin il va bien, moi je vais bien. Y a juste un peu de métal. Non, mais c'est rien. Là, c'est un peu de métal, c'est du métal, c'est pas grave, c'est du métal. Putain, c'est du métal. Bon, c'est pas grave. Passe-moi mon cousin, dépêche-toi mon cousin. Eh, reste calme, tu vas nous faire un infarctus là, tranquille. Ouais, et alors, c'est normal, bon. Je vais vous défoncer tous les deux. Ouais. Bon, je te le repasse. Hey, David! Hey! Ouais, reviens, c'est bon, ça va, il est calmé, il a dit que c'était bien le fait d'avoir fait des bosses là, de l'autre côté. Ouais, du coup, ça va, franchement, il est calmé, mais oui. Il est tranquille. Tiens, je te le repasse. Ouais. Ouais, t'es assuré, gros, non? C'est bon. Tu es aidé, tu sais très bien, parce que je t'ai dit de pas les toucher. Bah, gros, je suis tombé en panne, il fallait bien que j'aille bosser, putain. Eh, hey, de toute façon, il est assuré, ou il est pas assuré? Il ferme sa gueule, là, lui. Eh, hey, sinon, tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Repasse-le-moi, j'ai une idée. Vas-y, j'arrive, là. T'es où, là? Allô, Steph? Ah, toi, ta gueule, toi, dégage. Eh, hey, c'est Michel. Si tu veux, j'ai une idée. Ce qu'on peut faire, parce que j'ai un pote, il a fait ça également. Ce qu'on peut faire, c'est on va démonter la moto, on va l'envoyer au Maroc. Et on va la déclarer volée. Voilà, comme ça, tu récupères l'argent, tu la revends au Maroc. Et puis, comme ça, nous, on récupère l'argent et je te donne un quart, quoi. On fait comme ça ou pas? Non, on fait rien du tout, tu touches rien, tu fermes ta bouche. Mais vas-y, putain, et on fait une fausse déclaration, c'est pas grave. Tu sais, on fait un truc. Ouais, pas comme ça, moi, y a pas. Mais on s'en fout, attends, vas-y, tu sais quoi, on met la moto dans le camion, t'appelles les flics demain, tu fais genre, ouais, on l'a volé. En plus, t'as l'air con, donc ça passera nickel. Donc, voilà, hein, tu joues le mec un peu con, tu sais, un mec du Nord, quoi, voilà. Bah, pareil. Ah oh, merde, il a raccroché. Tu l'as vexé. Elle était bonne mon idée quand même, non? C'est génial. C'est pas au standard, elle était pas bonne mon idée? J'ai adoré. Ah, tu vois? Non, bon, on va le rappeler, attends, bouge pas. Tu attends, David. Bon. Ouais, je sais. Cette idée qui m'est venue comme ça en improvisant. C'est magique. Exceptionnel. Allez. Santé. Vous êtes en train de boire de la vodka là, tranquille. Rien à foutre. À la bouteille. Allô? Ouais, ça a été, on a été coupé là. Donc je te disais, non mais je te disais, t'appelles les flics comme t'as un air. Excuse-moi, hein, mais bon, t'as un air un peu bête. Ça passera nickel. Je pense que si tu sais les flics vont arriver, ils vont directement tomber dans le panneau. Hein. Ouais, moi tu crois que je vais magouiller comme ça, ouais. Mais c'est pas de la magouille, après tu récupères la moto neuve. Nickel, toute neuve et tout, la classe. En plus, t'as... Mais en même temps, hey, franchement, on est dans le Nord, si tu veux, on peut faire croire n'importe quoi, n'importe qui. Hein. Ouais, moi tu crois que je fais ça, moi, comme ça. Parce que moi, j'aime pas du Nord à la base, hein, c'est pour ça, moi je le vis un peu mal parfois d'être dans le Nord, mais bon, écoute, après on fait avec. Alors, moi, c'est parce que moi je suis monté dans le Nord, mais moi c'était pour le travail. Bon, tu peux pas savoir ce que c'est, t'as pas de travail, mais. Bon, on fait ça alors, j'appelle les flics, hein. J'appelle les flics, attends, bouge pas, je te repasse ton cousin. Attends, je vais faire avec le double appel, je vais voir si on peut faire quelque chose. Ouais, gros. Ouais, franchement, je suis désolé, gros. Je te jure. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah, voilà, c'est bon, attends, bougez pas, dites rien, je parle. Attends, j'arrive là, t'es où là? Allô, police nationale. Oui, bon, bonjour monsieur, je vous appelle en fait bonsoir. Parce que il y a eu un vol de moto là dans le quartier. Dans le quartier, quel quartier? Oui, c'est à Avray, c'est près de Douai, donc il faudrait venir. Merde, putain, il a raccroché, c'est chiant celui-là. Bien sûr, je prends. Attends, bouge pas, monsieur l'agent, là, 30 secondes. Attends, on rappelle. Putain, il est chiant, pourquoi il raccroche tout le temps? Il a dit qu'il venait, je crois. Mais il sait pas où on habite. Ouais, j'avoue. Enfin, il sait pas où j'habite. Toi non plus. Non, moi non plus, enfin, je vais inventer d'ici là. Ouais. Allô. Ah, monsieur l'agent, c'est lui le voleur. C'est lui le voleur, il a volé la moto de mon ami David. Ah, très bien. Vous savez qui a volé la moto? Oui, il s'appelle Stéphane, il est au téléphone là, prenez-le. Allô monsieur. Allô monsieur. C'est mon frère. Présentez-vous monsieur. C'est la police. Ouais, moi aussi je suis la police. Monsieur, on ne rigole pas avec les forces de l'ordre. Allô. Allô monsieur. Ouais. Vous êtes là? Oui. C'est la police, oui. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi, monsieur. C'est vous qui m'appelez. Alors, moi, je vous demande pourquoi vous m'appelez. Non, c'est moi qui appelle, mais avec le double appel, monsieur l'agent. C'est lui qui a volé la moto. Je comprends rien. Il a volé la moto de mon ami David. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Je comprends pas. Vous avez volé la moto. Ils disent, vous avez volé la moto, mais monsieur. Identifiez-vous. C'est ma moto. C'est pas vrai. Il va vous dire que c'est sa moto, mais c'est pas vrai, monsieur l'agent. Identifiez-vous, monsieur. Il va vous dire que c'est sa moto, mais c'est pas vrai. C'est un menteur. Mais qu'est-ce qu'il parle, lui, Michel? Mes couilles. Dis-lui qu'il ferme sa bouche, là, déjà, lui. Là, oh, monsieur, un peu de respect, un peu de calme. Voilà, il va commencer. C'est la police, monsieur. Il va commencer à insulter tout le monde, c'est comme ça, il est connu dans le quartier, là. Et en plus, monsieur l'agent, il travaille au noir. En plus. Bon, écoutez, on va venir faire une petite enquête. Allô, monsieur? Ouais. Présentez-vous. J'ai pas à me présenter, t'es qui, toi, déjà? C'est la police, monsieur. T'en as rien à foutre, c'est la police. Ah bon, vous en avez rien à foutre, c'est la police? Ouais, j'en ai rien à foutre. Bon, ben parfait, on en reparlera quand on viendra vous arrêter. Ouais, y'a pas de problème, moi je suis en règle, y'a pas de soucis. Bah, c'est un voleur, il travaille au noir! Ah, vous avez l'air, monsieur, vous volez, vous travaillez au noir, on comprend d'où vient votre argent, monsieur. Ouais. Hein? Et alors, ma moto? Ouais, alors voilà, l'argent, t'inquiète pas, y'a pas de soucis, je peux déclarer, y'a pas de soucis, je peux tout sortir, y'a pas de soucis. Oui, vous allez tout sortir, monsieur, on va tout saisir. Ouais, tout. il travaille au noir! Ouais, l'argent, la moto, tout! Ouais, tu peux tout saisir, y'a pas de problème. Eh ben parfait, monsieur, c'est comme ça qu'on va faire alors, j'arrive. Non, y'a pas de problème. Je me mets en route. Vas-y, c'est moi qui arrive, tu vois quoi? C'est pas toi qui arrive, c'est moi qui arrive? Non, monsieur, c'est moi qui arrive. Quand je dis c'est moi qui arrive, c'est moi qui arrive. Je vais les tuer, tu vois, les deux Michel. Non, tu vas tuer personne, monsieur, c'est la police. Y'a les menaces de mort sur un agent. Oui, j'ai entendu, il aggrave son cas. Sur un OPJ. OPJ. OPJ, abruti. OPJ, officier de police judiciaire. Voilà. Allez. Bon, Stéphane. Ouais, je t'emmerde, toi. Je vais te mettre la matraque dans le cul. Mais non, bon, attends, j'ai coupé. J'ai faire l'envers, là. Mais alors, j'ai coupé avec la police, là. Bon, hé, dis que c'est toi qui as volé la moto, ça passera mieux pour nous. Ouais, comme ça, c'est moi qui vais se faire emmerder, ouais. Je suis assuré et tout, je vais me faire niquer, ouais, pour une putain de bosse de merde que vous avez foutu. Non, mais comme ça, au moins, il vaut pas. Toi, déjà, qu'est-ce que tu te mêles, là? T'es qui, toi? Je m'appelle Michel. Putain, t'es con, quoi? Ça fait 15 fois que je te le dis. Tu peux t'appeler Michel, Rachid Moulin, je m'en bats les couilles. Non, moi, je m'appelle Michel. On commence à me péter les couilles. Je vais vous défoncer tous les deux, vous. Mais non, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Ouais, mais toi, tu prends pour qui? Je fais 2 mètres, moi. Et alors, tu pourras faire 3 mètres que tu feras rien non plus. Ça n'a rien à foutre. Tu vas te calmer avant que je m'énerve. Mais tu peux t'énerver, mon gars. Tu viens devant moi, y'a pas de soucis. Tu veux que je la détruise, ta moto pourrie, là? Détruis-la, moi, je la détruis après, c'est pas enculé. Ah, tu veux que je la détruise? Eh ben, très bien. Voilà. Ah, il a tout mis à la vie. Oh putain! On peut pas le faire. Oh super. Oh putain, les effets spéciaux. C'est super. Oh putain, elle dit lui. Ah, il reste plus rien là, ta moto pourrie, hein, Stéphane. Hein. Ouais, ma moto pourrie. Ouais. Bah, j'arrive là. Mais tu vas arriver où? T'as pas mon adresse. Quoi, t'as pas... T'étais pas chez mon cousin là? Mais non, c'est lui qui est chez moi. Putain. Aha. Enculé, qui fait le malin maintenant, hein? Qui fait le malin? Qui fait le malin? Ouais, qui fait le malin? Comment tu parles, toi, en plus, guignol? Qui... Bon, dis donc, y'a pas de respect, hein? Ouais, ouais, t'es un guignol, pour moi, t'es un guignol. Mais non, je suis pas un guignol. Mais non, je suis pas un guignol. Tu sais pourquoi je suis pas un guignol? Pourquoi? Bon, ça, c'est selon, évidemment. Parce que c'est énergie, ouais, c'est Mickaël, qui a la radio, c'est une blague. Voilà, Steph. La moto, elle va bien, elle est là, elle est tranquille, elle est au calme. Elle est toujours rouge. Eh, hey, regarde. Elle est là, elle est là. Ouais, non, c'est pas le couleur. Bah, si, pourtant, il y a marqué Ducati dans mes sons. Véridique. Si, ça ressemble, mais c'est, ça dépend quel modèle. Ah, voilà. Si, c'est le pot qui fait. C'est une espèce de bruit bizarre de Ducati. C'est un enculé, gros, si tu me fais, là, putain. Oh, Steph, ça va. C'est pour rire, oh là là. Et finalement, c'est bien pour rire, parce que... monsieur, calmez-vous. Ah. Ouais, monsieur l'agent qui a encore été au summum du summum du summum de la médiocrité. C'est un police avec cet accent du sud. Pourquoi toujours l'accent du sud? Alors qu'il est belge. Alors qu'il n'est pas du sud, c'est ça le mais pire. Parce que je voulais prendre l'accent du nord, mais je me suis dit qu'il allait me griller alors que l'accent du sud. Eh, moi j'ai une question, c'est quoi cette moto à 20 000 euros là? Elle a quoi de spécifique? Pourquoi? Ah, ça y est, cher. On est dans automoto maintenant. Mais c'est quoi comme modèle? Bah, c'est un 980, c'est un modèle sport, c'est équipé et tout. Franchement, ah ouais, elle est équipée, ok, d'accord. Bon, hey, Steph, du coup, tu prends le cadeau toi ou on le file à David quand même, parce que c'est lui qui est à la base de tout ça? C'est pour moi le cadeau, ouais. Ouais, ouais, normal, normal, c'est moi je suis d'accord avec toi, t'as pas faire. David, on fait quoi? On offre le cadeau à David ou à Stéphane ou tu le prends? Ah, je le prends, je le prends. Bon, ça va foutre l'air. C'est pour offrir au neveu, donc. D'accord. Ça restera dans la famille. Très bien, ça restera dans la famille. Bon, David et Stéphane, bah du coup, PS4 pour vous, vous démerdez à savoir où elle va arriver. Et puis, bah, vous retournez chez Seba en standard, on prend vos coordonnées, d'accord? D'accord, ça marche. Ouais. Allez, salut les gars, passez une bonne soirée, merci d'écouter, à bientôt. Hein. Allez, ciao, à bientôt. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit canular, on remet le couvert la semaine prochaine. Suffit simplement d'appeler dès maintenant, si vous voulez. Si vous avez déjà une idée de comment piéger quelqu'un éventuellement pour choper PS4, Xbox One, tablette, etc., etc., bah, vous appelez maintenant, c'est bas au standard 01 40 71 5000. Il y a Antolastico qui y est. Salut la famille. Salut à toi, Antolastico. Il y avait un message aussi qui est arrivé. Attends, où est-ce qu'il est? Bah, je l'ai perdu. Ah oui, c'est ça, c'est Punk Rider qui dit mort de rire, ça coûte bonbon, une Ducati, il va le déchirer le mec. Ouais, il était pas très content, effectivement. Bon, on se fait les appels mal intentionnés dans quelques minutes. On va récupérer Emeric à Toulouse qui voulait réagir au sujet de est-ce qu'il y a déjà un copain ou une copine ex ou copine actuelle ou copain actuel par exemple qui vous ont proposé des plans cul mais complètement bizarres. En gros, ils vous ont demandé des trucs, des délires sexuels vraiment chelous. Vous nous appelez, on en parle, 01 40 71 5000. Il est 1h29 et on écoute, comme promis, le son de Boosty maintenant sur NRJ. Passez une bonne nuit, c'est Mickaël, bonne nuit. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. Sur Énergie, il est 1h32. Bah oui, on va se faire tout à l'heure le karaopé. Si vous voulez vous inscrire, il y a aussi des FIFA 17 à gagner. Et bah 01 40 71 5000, où vous envoyez Mickaël et votre mettez Mickaël espace karaopé et votre numéro de téléphone au 612. Mickaël sur Énergie, toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Allez, bienvenue encore si vous venez de débarquer. Martin Garrix va arriver, 21 Pilots. Et on va continuer à parler de trucs chelous que vous avez eu l'occasion de bah de vivre, hein, je sais pas, votre copain, votre copine, un ex, une ex qui vous a demandé sexuellement un truc bizarre. Il y a Tov qui a une espèce de fantasme bizarre avec le coup du il veut qu'il y ait deux mecs sur une meuf. Et en passant, en fait, ah, il veut sentir la sensation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu connais pas vrai. Ça, Amina? Ah, Christophe, veuillez éclairer notre lanterne. Amina, sors. Non, sors, il faut lui expliquer, Non, mais tu vas te choquer. Partir, mais c'est pour ça. Hein. Non, reste pas vraiment. Faire des cauchemars. Non, tu vas pas faire des cauchemars. Si, non, franchement, faut pas. Surveille ton glucose. Tu vas. Faut pas la pauvre. Tu vas pas en faire des cauchemars, mais effectivement, il y a des chances que tu sois un peu choqué. Non, mais je veux pas noircir mon âme. Moi, je suis ton pure, âme. Voilà, je suis innocente. Mais t'es pas pure, mais t'as été salie il y a bien longtemps. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu as été souillée. Bah, évidemment, oui. C'est quoi cette histoire encore? Bon, raconte cette histoire, Tof. Eh bien, donc, j'aimerais faire une double pénétration pour pouvoir sentir à l'intérieur le mouvement de la bite à l'intérieur. Enfin, donc, tu vois, qu'on se frotte à l'intérieur, séparé par la paroi de l'anus. Oh mon Dieu. Voilà. Ah, je t'avais prévenu, hein, je t'ai dit de sortir, tout ça, t'as pas voulu, t'es resté, c'est ton problème. Un peu de glucose? Amina? Je peux plus. On a perdu Amina. J'ai perdu ma voix, j'ai perdu tout là. Voilà, donc en gros, Tof, perdu l'espoir. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, Tof aimerait bien soit être dans le vagin, soit être dans l'anus, et que l'autre soit aussi forcément du côté opposé, pour qu'il puisse sentir la bite de l'autre à travers la fine paroi qui sépare l'anus. La fine paroi, tu sais. Mais c'est sûr, c'est hyper dangereux. Je te montre, attends, je vais lui mettre un schéma. Tu vois, ça c'est la bite. Ah mon Dieu. La bite, elle rentre là. Et parce qu'il y a la paroi en dessous. Voilà, ça c'est le vagin et ça c'est l'anus, regarde. C'est l'anus. Oh là là. Il est là. Et il y a même la paroi, c'est pas une pièce, je veux dire, tu vois. Si si. Et c'est une pièce, c'est un duplex, c'est un duplex. Évidemment, ouais. Tu sais qu'il y a même une meuf qui voulait que Tof et moi on l'apprenne à deux. C'est vrai. C'est Tof qui m'a raconté ça. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc en fait, j'en déduis qu'il avait envie de te sentir Polo. Voilà, c'est ça. C'est la meuf qui voulait. Parce que non, je peux pas faire avec Polo, ça va pas ou quoi? Ça va pas, non. Oh là là. Bon, enfin, toi, tu pourras pas, mais Tof, il pourrait, hein. Je pourrais pas avec Polo, genre, c'est parce que t'as peur qu'il frappe. Non, je pourrais pas avec Polo. Ouais, je pourrais pas, c'est trop de problèmes. Mais oui, ça, d'accord, genre. Ok, mais c'est encore différent. C'est trop de problèmes avant, pendant et après. Non, c'est sûr. Surtout toujours, en fait. Bon, Emery, t'auras pas de problème après, puisque t'auras tué avant, donc c'est, tu vois. Mais c'est un côté positif. C'est bien ce que je dis, c'est trop de problèmes. Bon alors, Emeric, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé alors, toi. Salut tout le monde. Salut à toi. Salut. Oh. Bah, en fait, j'ai rencontré une fille sur internet, sur un site de rencontre. Et, et en fait, elle avait un petit peu plus d'âge que moi. Donc j'avais 20 ans, elle avait 29 ans. Elle voulait d'avoir 18 ans, quoi. Oh là, c'est vieille référence. Elle est 29, j'en ai 20 ans. Je peux pas rigoler. Ouais. Et en gros, au bout de 3 mois, elle m'a proposé de faire un plan à 3 avec son ex. Ah ouais, pas mal. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? C'est bien ça. Bah, du coup, je me suis barré. Oh, t'es pas rock'n'roll comme mec. Oh, t'es petite bite. Là, t'as fait petite bite, là. Ouais, oui. T'aurais pu au moins le faire et après tu l'as vu. Il y a une plus grosse que moi, on fait comment? Bon, et alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu sais que c'est pas la grosseur qui importe. Hein. ni la longueur, ni quoi que ce soit. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. En fonction de la grosseur, vous choisissez votre trou et puis on n'en parle plus. Oh, oh là là. Mais qui est ça? T'es vraiment un gros porc. T'es vraiment un gros porc. Non, au bowling. T'es vraiment un gros porc. C'est vraiment scandaleux, une honte. Si Marise écoute, hein, elle devra avoir. Tu sais, non, ça, Dieu merci, à ce temps-là, elle écoute pas. Ouais, mais il y a le podcast. Ah ben non, on n'entend rien. Il mérite de faire un voyage dans les pays du Golfe, genre à Dubaï, et être arrêté là-bas pour pornographie et oui. passer 50 ans en prison. Voilà. Comme un chien de la même case. Même plus, 150 ans. 150 ans, chien voilà. de la case. Va. 150 ans, et voilà, et ça, ce serait bien, ça. Chien, va. Ça, ce serait bien. Je suis impatient. Bon, bref. Et donc, Aymeric, du coup, t'as dit non, c'est ça? Ouais, voilà. Très bien. Et ça s'est terminé là? Enfin, tu me diras, c'est mieux. Mais... Ben, je l'ai revu deux, trois fois après pour, voilà, pour coucher ensemble. Et puis, c'est tout. Quoi. Après, ça s'est arrêté là. Ah ouais, d'accord, ok. Putain. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Enfin, c'est... C'était chaud, quoi. Enfin, avec son ex, enfin, c'est un truc de malade. Avec son ex, c'est pas possible. Au pire, avec un pote à moi, je sais pas, on s'en bat. Ah, avec un pote à toi, d'accord, mais avec l'ex, non. Avec l'ex, non, c'est ça? Ouais, non, mais c'est l'ex, quoi. Enfin, je sais pas. Non, ouais, il y a des. Chelou, y a des... ils sont plus ensemble, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils s'entendaient pas sexuellement. Ah ouais, c'est sûr. Bah ouais. Regarde-toi, ouais. regarde-toi, t'es retourné à la baiser deux, trois fois après. Ouais, ouais, c'est merci sûr. Pour ces... C'est toujours la classe avec ta femme. Oui, oui, romantisme. Toujours, toujours. Pardon, tu es retourné lui faire l'amour délicatement en souvenir de votre relation passée. Voilà. Voilà, tu vois. Il est sur les lits. Bon, voilà. Bah, merci Aymeric, en tout cas, de nous avoir appelé. Pas de problème, les gars, et bonne soirée. Tu rappelles quand tu veux, en tout cas, il n'y a pas de problème. Salut à c'est toi. C'est pas un truc de meuf qui se voile la à face. À plus tard. À bientôt. Ciao à toi, Aymeric, c'est gentil en tout cas. Mais moi aussi, il m'est arrivé un truc. C'était pas une meuf qui était venue, c'était pas une ex ou n'importe quoi qui était venue me proposer un truc bizarre. C'était un jour, il y avait. C'est une meuf qui a me parlé sur Facebook ou Twitter, je sais plus, peu importe. Et elle me pose des questions. Ouais, est-ce que t'es célibataire ou pas on m'a posé 15 fois, donc je dis bah non, je suis pas. Ouais, parce qu'en fait, voilà. C'est au début de me parler comme ça et en fait elle arrive au moment fatidique. Au moment fatidique où elle me dit écoute je vais te dire en fait moi je bosse et tu vois que la meuf elle avait l'air classe blindée et tout ça je bosse pour un truc un peu spécial en gros si tu veux c'est une meuf qui est surblindée et donc son mec est un riche mais elle a pas voulu me dire qui c'était mais bon voilà c'est un mec aussi surblindé et comme il est toujours en voyage il est jamais là en fait elle s'ennuie et elle m'avait dit au début elle m'a dit ouais voilà donc en fait elle cherche quelqu'un je me dis elle m'a pris pour un gigolo ou quoi mais non parce que encore là tu peux réfléchir tu te dis bon la meuf si elle est un peu bien et qu'elle te douille c'est une blague non mais attends tu te dis bon pourquoi pas non mais et tu en veux coucher avec elle pour un Twix ça c'est une attends, vanne attends c'est pas un Twix tu rigoles ou quoi ah, moi je suis d'accord hein. non attends d'abord elle me dit donc elle me dit ensuite elle me dit ouais écoute voilà combien tu voudrais je dis non arrête. Mais écoute ça va non mais elle me dit peu importe le montant elle me dit elle a vu ta photo tu lui plais et voilà peu importe le montant je dis non mais arrête un peu je dis ça laisse tomber et en fait elle me dit et en fait le truc arrive où elle me dit tu mets le nombre de zéros que tu veux oh. Mais son kiff à elle me dit mais je pouvais pas franchement même pour un milliard son kiff à elle c'était qu'en fait je baise un mec devant elle oh mon dieu et je dis non elle me dit ouais mais bon même si t'es pas gay c'est pas grave tu peux tu fais juste un peu de cinéma je fais non mais attends mais j'avais de la vie elle me dit tu mets les chiffres que tu veux non je dis non mais franchement je pourrais pas encore Polo pour 5 balles il le fait oh, pas, non je sais pas ça. Et je vous jure c'est une histoire vraie parce qu'elle m'a montré certaines preuves qui font que je sais que effectivement c'était quelqu'un de surblindé, même si j'ai pas le nom et j'ai dit je dirais rien, mais putain, mais moi quoi. J'y vais quand elle veut. Ah mais, ouais, mais toi je sais bien. Non, mais la question c'est que tu t'es même pas posé la question, genre un quart de seconde te dire pourquoi pas. Non, franchement non. Encore alors si, que moi je ne me serais non, dit que pourquoi pas. Non, mais encore c'est une meuf, tu la trouves bof, tu te dis bon, allez, la meuf elle va peut-être te payer, je sais pas moi, une blinde, tu sais, genre la Pretty Woman quoi. Et. Non, mais je rêve, t'es en train de te comparer à Julia Roberts. Ouais, ou le Richard Gere plutôt. Et non mais tu vois dans ce sens-là tu te dis là tu peux te dire un quart de seconde bon pourquoi pas mais pas avec un mec je peux pas non je peux pas même pour un million ah bah oui sans non patate. Mais je pouvais franchement elle m'a dit après je crois que si j'avais dit un million elle m'aurait dit il faut pas t'emballer mais elle m'a dit, même 100 000 t'imagines tu mets le nombre de zéros que tu veux mais même 100 000 je peux pas c'est pas possible elle me dit oui mais t'es pas obligé d'être tu peux choisir devant ou derrière je fais non mais ni devant ni derrière ni en dessous ni au dessus rien mais ça va pas non mais ah non j'aurais pas pu quelle horreur mais t'imagines un peu au début je pensais que c'était un canular et après je te dis à force de discuter tu te rends compte que c'est pas un canular et mais t'aurais dû y aller quoi. Sans rien faire juste pour voir si c'était vraiment vrai mais non tu rigoles non, si quoi tu vas, tu consommes. Mais attends tu nous fais c'était pervers c'est toi la mais non pervers. Motion. Vicieux. Mais je rêve. Pervers, c'est une blague. Ça c'est pas. Tough. Non, c'est pas bien de dire ça. Tu es tough. Tu ne m'insultes pas. Sors de ce corps. Moi j'aurais été jusqu'au bout. Non, c'est juste pour savoir, c'est pas un fake, c'est chelou quand même. Mais non, franchement, je te dis, elle m'a montré assez de preuves. Enfin, elle m'a prouvé que c'était pas un fake. Donc voilà, je m'inquiète pas pour ça. Et c'était un mec précis ou t'avais le choix? C'était. Ah non, le mec, elle voulait juste deux mecs, quoi. En fait, c'est elle. Ah, genre, tu pouvais pécho teuf. Ouais, mais la meuf, en fait. La meuf, voilà, elle a juste vu ma gueule et. Non, mais à ce prix-là, elle te filme ou pas? Elle a pas dit? Ah non, là, c'est un total. Non, il n'y a pas de vidéo, non. Non, c'est une question. Non, mais j'ai pas dit que tu l'as fait. Imagine, tu sais pas. Enfin, j'en sais rien. Après, j'ai pas été assez loin. Mais c'est ça, de toute façon, moi, je suis parano, jamais j'aurais été là, donc laisse tomber. Ouais, c'est ça, t'as bien des mecs qui filment dans les chambres d'hôtel. T'aurais demandé combien, teuf? Je sais pas. Je pense qu'à 100 000, je l'aurais fait. 100 000, le mec, il vaut 100 000. Mais t'es vraiment un tas de merde, mec. Demande au moins 2 millions. Parce que tu crois qu'elle allait donner 2 millions, toi? Non, mais là, mais elle va rien te donner, là. On est dans l'expectative. Ah non, mais alors, si c'est pour te dire des chiffres comme ça, non, j'aurais demandé 10 millions. Et bah voilà. Mais voilà, et Polo, t'aurais demandé combien? Rien du tout, mais je préfère crever. Ah, c'est gratuit, toi. Non, une balle dans la tête. Je me suicide plutôt que de faire ça. Non, mais attends, ça va pas. Oh là, mais quelle exagération, je te jure. Et c'est pas, t'aurais demandé combien, toi? C'est un pas ou quoi? T'as demandé quoi? 50 pesetas? Mais jamais de la vie. 50, allez, 50 pesetas. Mais t'es fou. Et des maracas. 50 pesetas, c'est vrai. Bon, allez, 1h42, on va récupérer Marc dans un instant, Mathieu, et on aura une surprise aussi, tiens. On va faire le karaopé. Et alors, Jeanne-Françoise qui dit aussi: et voilà, grâce à Toff, Amina vient de perdre foi en l'humanité. Oui. Ça fait une personne de plus, ça, oui. Et oui, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, hein. Bon, Martin Garrix, on écoute ça maintenant. Et tirage au sort encore pour FIFA 17 sur le Twitter. Venez nous rejoindre, c'est MIKL officiel. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all. Testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Allez, bonne nuit tout le monde, il est 1h46. 21 Pilot, ça va arriver, Chainsmokers également, et on se fait des appels mal intentionnés. Tu te laisses faire, tu fais rien. Lève-toi et bats-toi. c'est dur. C'est dur, mais continue. Tu entends. Lève-toi et bats-toi. Tu t'énerves. Hein, tu t'énerves. Allez, lâche pas. Continue, t'es sur la bonne voie. Mickaël, Tof, Polo et Amina sont sur Énergie. Et on est en direct, bien sûr, comme tous les soirs, de minuit à 4h. On a également le dimanche, de 20h à minuit, où on est là aussi. Et appel mal intentionné maintenant, donc générique. Nique ta mère, fils de pute, fils de pute. Attention, Amina, c'est bientôt à toi. Le chef de la compte de ta mère, la pute. Enculé, sale bâtard, sale bâtard. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Quelle tristesse quand même. Bon, allez, appel mal intentionné donc, avec la masturbation chez les femmes qui est de moins en moins tabou. C'est dans une étude du magazine Cosmo qu'on l'apprend, hein. Elles seraient 75% à admettre se faire plaisir toute seule quand elles n'ont pas de mec, et près de 40% même quand elles sont en couple. Donc Tof, tu vas vérifier ça avec tes amis maintenant. Tu vas vérifier si elles se touchent. Eh ben on y va, grâce au numéro, comme d'hab. Vous les envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, allez-y. C'est toph@energie.com. On y va, c'est parti. Nous allons vérifier ça immédiatement. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bah, vous me sonnez aussi tard ? Bah oui, parce qu'en fait, je voulais savoir s'il arrivait à votre femme de se masturber, monsieur. Dites. Oui. Des conneries comme ça. Moi, je te prends la masse, je te casse la gueule, mais bon, toi, hein. Mais je pourquoi... te parler comme ça. Bah, pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Enfin, ça se dit pas des choses comme ça. Non, j'étais au tribunal aujourd'hui. Il y a mon avocat chez Delay à Ciné. Comme ça, j'ai les preuves que vous avez sonné. Voilà. Mais ça, non, mais. Je te plains sur vous. Bah, allez, non, merci, mais... au revoir. Mais non, monsieur, moi, je veux une réponse à ma question. Allô, allô. Votre question. Oui. Votre question, hein. Bah vous avez oui. PSG pour l'instant parce que j'ai votre numéro, téléphone, j'ai tout. Tout programmé, ça va? Oui, oui, d'accord, mais ça répond pas à la question, monsieur, ça. Hein, parce que là, vous parlez, mais moi, je veux une réponse à ma question. Non, j'ai un avocat, hein. Oui, oui, bah vous pouvez avoir un avocat ou deux, monsieur, c'est pas la question. C'est de savoir si votre femme, elle se masturbe parfois, monsieur, c'est tout. Mais je veux savoir comment la Belgique prend un temps et par arriver et tout, toi. Tu veux quoi? Bah, juste savoir si votre femme elle se masturbe, monsieur, c'est tout, hein, pas ni non, plus ni moins. Mon poste sur ta gueule, tu vas voir, de toute façon, c'est tout programmé à la police parce que j'ai des cousins à la police et tout est programmé. Oui, oui. Tu sais bien tout. D'accord, mais ça répond pas à la question. Ah ouais, mais tout est fait de main. Comme ça, on arrive. Ça va? Mais vous arrivez où, monsieur? Arrivez où? Bah oui. Bah, je suis arrivé quelque part. Bah oui, d'accord, mais vous voulez pas. De quoi tu me parles, toi, connard? Bah, moi, je veux juste. Tout est programmé à la police. Moi, je veux juste. La police derrière moi. Tout est fait. Comme ça, demain, tu vas à la police. Mais je veux pas aller à la police, monsieur. Moi, je veux juste avoir une réponse à ma question. Mais tais-toi un petit peu. Va te faire foutre. Va te reculer. Tu vois, j'ai un trou ici. Je te mets dans le trou. Comme ça, c'est fait. Ça va? Bah, non, ça va pas, monsieur. Enfin, c'est... Ah, ça va pas. Ben, tu verras bien. Hein. Ça se dit pas des choses comme ça, monsieur. Enfin. Mais, c'est... déjà, enfin, privé, c'est pas normal. Mais c'est parce que c'est parce toi. Non. Encore. Non, monsieur, arrêtez de dire ça, c'est pas gentil. Allô. Ah, c'est pas gentil, au revoir. Hein. Bah, non, pas au revoir, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Non. Ah, il s'est raccroché à la gueule, dis donc, c'est dommage ça. On va le rappeler? Ah bah oui. Allez, c'est parti, on y retourne. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Non, moi non plus, c'était un petit peu chinois sur la fin, je pense. Bienvenue sur VoiceMail. Oh, merde. Eh ben voilà. Eh ben tant pis, c'est le répondeur, on avait bien compris. Tant pis, dans moins d'une heure, on a un appel radio. C'est un peu ça. Hein. Mais peu non, ça, j'appelle pas pour les emmerder, j'appelle pour poser une question. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc si vous avez des numéros de téléphone à proposer, faites-le maintenant, c'est sur toph@energie.com, c'est son mail. Et puis on va prendre, où est-ce qu'il est? C'est, ouf. Allô, Cricri? Oh merde. Non, c'est Arcachon, là. On est en liaison avec Arcachon, là. Et comme d'habitude, elle est au bout de la pièce, on va entendre. Oui, oui, oui, oui, oui. Allô, Cricri d'Arcachon? Oh là là, mais que c'est. Cricri! Est-ce que quelqu'un peut lui apprendre à se servir d'un téléphone? Arcachon! Arcachon! Le bassin! Blop. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Blop. Cricri d'Arcachon! Elle se noie. Cricri d'Arcachon! Elle boude. Mais c'est pas sérieux ça quand même là, qu'est-ce qu'il fout, il s'est endormi ou quoi? Ah, c'est possible, elle est capable. Hein. Bon, je recommence. Cri-cri d'Arcachon. Oh là là, bon bah tant pis, on va la prendre après. On va prendre Mathieu en attendant dans les bureaux. Enfin, au bureau plutôt. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Super, super. Bienvenue à toi Mathieu. Merci. Alors, on parle de quoi avec toi, dis-moi? Alors, bah, en fait, moi du coup, c'est tout simplement une amie à moi qui habite vers chez moi et du coup, qui m'a fait une demande vis-à-vis de son copain. Ouais. En fait, son copain, il est fan de coquillages. Alors, il en est fait, fan il aime de bien quoi de coquillages. Ah, en fait, il aime ah, bien de faire coquillages. Coquillages, oui, d'accord, ok, ouais, ouais, ouais, ok. Donc, en fait, ça s'appelle le candolisme, je sais pas si tu connais. Non. Donc, c'est une pratique, en fait, où, où du coup, l'homme, il adore. Si, on en a fait déjà parler dans un appel. Oh, je sais plus, je crois, je me souviens de tout ça, moi. Bah, bien sûr, moi, je me souviens de tous les appels. Non, mais toi, d'accord, mais oui, non, mais d'accord, mais Tof, oui, mais bon, après. Bon, donc, vas-y, donc, oui. Et donc, du coup, là, j'ai passé deux jours chez eux, en fait. Donc, ils m'ont invité pendant à dormir chez eux, etc. Et du coup, pendant que lui dormait ou qu'il faisait la cuisine ou autre, ben, elle venait me rejoindre pour faire mes affaires, quoi. Donc, dans la cuisine, tout ça. Et lui, du coup, il entendait plus ou moins, mais c'était une demande bizarre et c'était sympa. Mais ça a duré longtemps? Enfin, je veux dire, c'était juste un soir pendant comme deux ça jours, là. Ah, deux jours? Ouais, pendant deux jours. Et après, là, ce soir, il y avait des amis à eux. Ouais. Donc, ils sont venus chez eux. Et pendant qu'il y avait ses amis, bah, des fois, j'allais les retrouver dans le garage ou à l'extérieur. Et puis. C'est marrant. Et du coup, quand elle t'a proposé ça et au moment où t'as accepté, il s'est passé combien de temps? Je veux dire, t'as réfléchi, tu l'as fait en disant, bon, je m'en fous, je vais y aller, on verra bien ou. Bah, en fait, non, parce que j'ai pas trop réfléchi, parce que les deux sont d'accord. Puis moi, je suis célibataire. Ouais. Et du coup, les deux sont d'accord. Il n'y a pas eu de souci, enfin, j'ai pas vu de blocage réel parce que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de. Enfin, je vois pas le blocage où il aurait pu être, du coup. Non, après, si tout le monde est d'accord, tant mieux. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, je trouvais, du coup, le truc excitant aussi, quoi. Oui, d'être bah. L'amant en même temps dans la même maison. C'est original, c'est sûr. Bah oui, c'est original. Hein. Et en tout cas, c'est très excitant. Bah écoute. Je le conseille au cas où. Et du coup, là, c'est fini, là, ou tu vas le refaire? Non, bah, je vais le refaire, bien sûr, mais je suis sur la route pour rentrer chez moi, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'en même temps, je t'écoutais, et du coup, je me suis dit, je vais passer. Ah bah, t'as bien fait, parce qu'une histoire pareille, c'est clair, ça arrive pas tout le temps. Hein. c'est ouf. Et après, si, ça va se refaire, et puis voilà, on va continuer à le cocufier, en fait. Bah, écoute, quand t'es pas dispo, tu peux appeler Tof, hein, lui. Bien sûr, moi, si je suis en service. C'est ça, si t'as un moment, t'es pas là, t'as autre chose, t'es en vacances. Mais il peut pas se soigner, cocuman, là. Pourquoi? C'est son délire, mais c'est pas. En fait, c'est quelque chose qui est très, très excitant pour certains hommes. Moi, oui, je peux comprendre, hein, tu vois, il n'y a pas de. Ah, moi, je peux pas. Je peux pas. Il n'y a pas de malade. Oui, voilà. Je vois pas le. Je vois pas ce qui. Alors, soit t'es ouvert, et puis voilà, ta femme fait ce qu'elle veut, toi, tu fais ce que tu veux, et puis voilà, vous vivez bien comme ça, tout et tant mieux. Veut. Mais le fait de se dire, putain, j'ai envie d'être cocu, j'ai envie de savoir que ma meuf est en train de se faire trancher dans la maison. Non, mais c'est un délire d'humiliation, je pensais, un peu comme. Soumission, machin, ça peut-être. Oui, ça doit être ça, ouais. Ah, pourquoi? Ouais, t'es dans les trucs un peu de soumission, je pense, un truc comme ça, ouais. D'accord, ok. T'es dans ce délire ou pas, Mina, toi? De soumission, de cocufie. Ouais, non, je demande. Oui, moi, je suis complètement dans ce délire de cocufication, mais malgré moi. Donc, bon, c'est autre chose. Ah, merde, ça, c'est con. Ah, oui, oui, oui. Là, du coup, tout le monde est au courant, donc c'est différent. Ah, moi aussi. Sauf moi. Ouais, t'es au courant après. Mais tu devrais essayer de leur dire non, écoute, ça me dérange pas, je préfère que tu me le dises avant. Ouais, on peut essayer. Tu devrais essayer avec le prochain mec. Bah quand tu veux, Mina. Bah voilà, tu vois, non, Mathieu est disponible, lui, et pas de problème. Merci. En plus. Je suis en grève en ce moment. Les murs roses, pas loin de Paris, donc ça va, il y a moins de gérer. Hein. Ouais, ça reste à côté de chez moi en plus. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Putain, c'est vrai. Et bah écoute, Mathieu, donc, bah, merci. Au cas où, là, ils sont en train d'écouter, parce que j'aurais dit que j'allais passer à la radio. Ah oui, d'accord. Donc, je leur fais une dédicace au cas où, Amandine. Elle est bonne, la meuf? Bah j'espère. Hein. Ouais, moi je veux bien la bourrer. Oh là là. Je l'éclate, hein, devant tout le monde, devant le mari, devant toi. On va organiser un truc de ticket comme à la Fnac, tout ça. C'est un numéro, tu prends ton ticket. Numéro du chat, s'il vous plaît. Je fais une faciale, je la tartine. Ou peut-être que lui il écoute la radio, puis c'est cocu fait la radio. Oh là là. Pour ouvrir un salon, le salon du cocu. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être un bon délire, ça. C'est con, on peut pas faire le chéri, je peux te faire cocu avec celui-là. Ah bah non, allô. T'es content. C'est le seul qui va dire oui avec plaisir. Oh bah merde, putain, le jeu est tombé à l'eau, merde. Bon bah ça roule, salut Mathieu, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Salut, à bientôt. Ciao, Matt. On aura donc Cricri d'Arcachon, peut-être, si jamais elle daigne revenir tout près de son téléphone. On aura Marc également. Et puis, on va se faire aussi le karaopé avec FIFA 17 à gagner. Si vous avez envie de vous inscrire et vous voulez jouer avec nous, donc soit vous allez pouvoir jouer soit avec Toff, soit avec Amina, soit avec Polo. On cherche deux candidats donc. Si vous voulez jouer, 01 40 71 5000. Et si vous êtes par SMS, vous pouvez envoyer Mickaël, espace karaopé. Et votre numéro de téléphone au 6 11 12. Même numéro pour la France et pour la Belgique, d'ailleurs. Et on tire au sort aussi pour FIFA 17 sur le Twitter, hein, dans 3 minutes, juste après 21 Pilots. Si vous avez envie de vous inscrire là aussi, c'est gratuit. Vous venez me follow sur le Twitter, c'est M-I-K-L officiel. Tirage au sort dans quelques secondes. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Et on va faire le tirage au sort maintenant pour FIFA 17, c'est parti. Mickaël sur Énergie. Prends le contrôle de l'émission sur Twitter, Facebook et Instagram. M-I-K-L, officiel. Ouais, et vous pouvez gagner, donc comme je le disais, hein, FIFA 17 sur PS4 et c'est surtout sur Twitter, puisque ce soir on vous l'offre donc sur M-I-K-L officiel. On a offert un tout à l'heure. Et comme il en reste beaucoup, ben, on va encore enfiler ce soir. Là maintenant, 2h du mat, on retire au sort. Allez, on en tire 3. Ok. Trop au sort. Amina, t'es prête? Oui, je suis prête. Tu veux ton roulement de tambour? Oui. Allez, le premier, ladies and gentlemen, the winner is... At Gunners. Gunners, voilà. Très bien. Eh ben, Gunners, voilà, PS4 pour toi. Bravo. PS4, j'ai de la merde. FIFA 17 sur PS4 pour toi. Deuxième, toujours sur Twitter, hein, c'est tous les tweetos, tous ceux qui ont retweeté le message que j'ai mis tout à l'heure sur MIKL officiel qui peuvent gagner. Le deuxième... Ibrahima at Ibinta 95. Très bien, allez hop là, le deuxième et le troisième. Attention. At Lefèvre Aurélie 6. Voilà. At Lefèvre Aurélie 6. Ah bah, c'est pas mon compte, hein, écoute. Je me doute, ouais. Bon, bah, bravo à vous trois en tout cas, vous gagnez tous les trois FIFA 17. On va prendre contact avec vous là en message sur le Twitter. Et dans moins d'une heure, on remet le couvert encore une fois. Si vous avez envie de tenter votre chance pour gagner FIFA 17 sur Twitter, donc, et bah, venez nous rejoindre. Vous faites un petit follow sur MIKL officiel et là vous verrez la photo où il y a le jeu. Hein, tout simplement, vous retweetez et vous aurez une chance de gagner. Donc bah bonne chance justement. Chainsmokers ça va arriver, Maître Gims également. On aura Shawn Mendes et avant de se faire le karaopé, on va encore une fois tenter d'avoir Cricri d'Arcachon. Arcachon, allez là. Cricri. Oui, je suis là. C'est pas vrai, ça y est. Moi je pensais que le vin rose, je pensais que le rosé avait eu ta peau. Non, non, non. Ah, ça me rassure, ça me rassure. Elle s'est pas noyée dedans. Ah putain. Bon, ça va, Arcachon ? Ça va, Arcachon ? Arcachon ! Oui. Arcachon va bien ? Oui, il n'y a pas de lézard. Bon. Il n'y a pas de lézard. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Oh putain. Quoi de neuf, Arcachon ? Quoi de neuf ? Ouais. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf, Arcachon ? Comment ? Non, je sais pas. Donc, elle a la picole facile, si pour ceux qui n'ont pas remarqué. Non. Ça oui. Fait ça. Oui. Oui. Mon portable encore. Oui. Ça allait mal. Hein. Oh là là. Ça va mieux là. Ah, ça va parfaitement bien. Ça va changer. Très bien. C'est parfait. D'accord. C'est parfait. C'est parfait. Bon. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui m'amène? Oui. Vos conneries déjà, d'une part. Ah bah évidemment. Vous faites rire. Bon, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on fait à Arcachon aujourd'hui là, Cricri? Arcachon aujourd'hui, ça va rester chez moi. Comment ? C'est pas possible. Ça n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui n'a pas arrêté ? Alors, attendez, je vais vous dire un truc. Comment va le pichet là ? Le pichet va bien ? Le cubi ? Les Bordelais sont des monstrueux. Oui, et le cubi, il est où le cubi ? Hein ? Le cubi ? Mais non, il est rangé le cubi. Il est à la poubelle, il est vide. Non, il est facile, il est plein. Ah, il est plein. Ah, ouais, bah dis donc, ça s'annonce beau pour demain. Ça, c'est... Très bien. Non, mais je sais. Et où est le chat ? Où est le chat ? Il est mort ou quoi, le chat ? Il est où, le chat ? Il fait dodo. Ah, il dort. Attends, je vais revenir. Yaou ! Viens ici, c'est ton vocaliste, toi. Bébé ? Parce que d'habitude, elle est en train de parler en entendant. Le chat qui passe à toute vitesse dans tous les sens. Voilà. Il doit être bourrasse aussi, complètement torché à mon avis. Ouais. Bon, bref. Bon, donc Arcachon. Cricri. Enfin, bref, une chose. Putain. Il fait un tour à trois avec moi. Non, c'est pas facile. Donc, j'ai un Bordelais qui est Daniel, ainsi que Babette, plein à trois avec moi. Bon, ah, vous êtes tous là en même temps, là. Tous aussi bourrés la Claude, j'imagine. Non. Mon cousin Philippe est parti, Philippe Zézégo. D'accord, ok. Ah oui, oh là là, évidemment. Oui, évidemment. Ça fait bien, ça s'arrête. Bon, écoute, j'ai une question. T'as déjà eu une conversation normale et claire un jour ou pas ? Non, mais d'habitude, elle parle avec des mecs bourrés. Donc bien sûr. Bah non. Bah évidemment, évidemment. Là, elle fait un joke, là. Elle fait un personnage, n'est-ce pas, Cricri ? Ah, le chat de retour, ça y est. Ah, super. Et je vous dis une chose. Ouais. Passe-moi des musiques un petit peu de notre âge. De oui. Tu as la choix, toi. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai 22 ans et Polo en a 23. Ouais. Et demi. Et demi, bien sûr. Parce que Polo est plus âgé que moi. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Bon, qu'est-ce que tu veux écouter ? Cri-cri ! Qu'est-ce que tu veux écouter ? PNL. Tu veux écouter PNL ? J'écoute PNL, Cricri. Attends. C'est pas vrai. Du machin non, des de rock, merde. Arrêtez PNL. À vous. Bon, qu'est-ce que tu veux écouter ? Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas possible, tu veux qu'on... Bon, qu'est-ce que tu veux écouter ? Ouais, ouais. Alors, envoyez-moi ça, la sauce. Scorpion. Scorpion, bah voilà. Je veux un change. Bah oui, bah bien sûr, on va mettre ça, tiens. Évidemment, tout de suite. Salut, là, j'écoute, hein. Justement. Parce que mon bébé, c'est mon chat qui est à côté de moi.

c'est pas dérangeant quoi, ça, ça reste ton mec. Jean-François qui dit c'est grave, Cricri ne répond pas, mais le chat non plus, c'est pas bon signe. C'est bon, on a réussi à avoir les deux au final. Olivier qui dit salut l'équipe, merci de faire en sorte que le boulot passe plus vite, bah avec plaisir. Et puis merci à vous d'être là aussi, parce que nous aussi on est au boulot et finalement ça passe plus vite aussi. Lady Laura qui nous salue, bah salut à toi. Et puis un message aussi qui dit Mickaël dit à Amina que j'ai envie de lui poncer les amygdales. C'est Cédric le routier du 60. Oh, le respect est mort. Alors là, j'avais baissé le son, j'ai pas entendu. Ah pardon. Donc il y a. Non, c'est bon. Elle pleure du sang là. Ah ouais, grave. Bon, on va se faire, on va se faire le karaopé dans quelques secondes. On va juste attendre que Toff revienne des chiottes. Du coup, on va attendre, on va prendre Marc qui est avec nous. Salut Marc. Salut tout le monde. Comment tu vas? Salut Marc. Ça va et vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Marc? Bon, c'est un petit peu bizarre. Hein. Je pense que ça va en surprendre plusieurs. Bon, moi, j'ai un de mes ex. Alors, je l'ai refait depuis. J'ai un de mes ex en fait qui m'a proposé il y a un peu plus de 3 ans pour un rapport. Je voulais un peu qu'on joue au papa, à maman, enfin bref. Ouais. Porter une couche. Oh là. Et ton ex s'appelle quoi? Eric de Montfion, non? De Menton? Pardon? Il s'appelle pas Eric, ton ex? Non, pourquoi? Non, pour savoir, parce qu'on a un gars qui passe souvent dans l'émission, qui est, c'est son délire aussi, donc c'est pour savoir, on sait jamais. Ah, ouais, non, je connais pas. Non, c'est pas là, alors. Mais si tu vois, tu veux juste savoir si c'était Eric ou pas, tu me dis non, c'est bon. Donc, alors, voilà. Du coup, continue. Et du coup, en fait, la première fois, j'étais un peu choqué. Enfin, je me suis dit, attends, il y a un délire pédo, enfin, il y a un truc bizarre, tu vois. Et en fait, j'ai essayé avec lui, c'est super bien passé. Et puis, du coup, même avec d'autres gars, je l'ai refait, quoi, en fait, tu vois. Et comment tu proposes ça au mec, du coup? Parce que c'est un peu bizarre, quand même, de leur dire, bah écoute, voilà, j'ai des pampers. C'est original, mais. Ouais, non, c'est pas tout à fait dépendant, c'est un petit peu plus grand quand même. Ouais, non, mais bien sûr, je dis ça parce que voilà, mais je veux dire, tu sais, des couches, quoi, des couches pour adultes. C'est les mêmes couches pour adultes, ouais, en fait. Et du coup, c'est super confortable, c'est super agréable. Enfin, je sais pas, c'est. Et du coup, vous les utilisez vraiment, genre pour pipi, tout ça, ou ça reste juste de la déco? Alors, non, il y en a qui préfèrent, il y en a qui veulent les utiliser. Moi, perso, c'est pas mon délire. Ouais. Après, c'est vrai que se caresser dedans et tout, c'est vachement doux. Enfin, ça fait des sensations qui sont vraiment très particulières. En fait, c'est du coton, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas, c'est super doux. T'as le côté un peu enfance, enfin, où tu te sens un peu protégé. Enfin, voilà. Au début, j'ai trouvé ça super chelou. Et la première fois, c'est super bien passé. Et du coup, depuis, voilà, quoi, souvent. Bah, ça reste super chelou quand même. Hein, faut dire les choses. Faut être honnête à un moment. C'est sûr. Oui, oui. Mais il y a plein de gens qui ont ce délire, ceci dit. Ouais, mais ça reste bizarre. Franchement, moi, je tombe sur une meuf qui me dit, oui, écoute, voilà, mon délire, ce serait que tu mettes des couches culottes. Je dis, écoute-moi bien, tu vas prendre tes affaires, tu vas rentrer chez toi. Et si je suis chez elle, je prendrai mes affaires et je rentrerai chez moi. Avec ta couche sous le bras. Non, je lui laisserai sa couche où elle veut. Ah, mais qui revient, j'ai oublié mon paquet. Ouais, c'est ça. Et ça, je reprends. Non, mais. Après, moi, je suis gay, donc. Enfin, je pense que vous l'aurez entendu parce que tout le monde me le dit. Donc, maintenant, je m'en cache. Non, ça, ça s'entend pas. Je suis homo et je vous emmerde. Calme-toi, t'as rien dit. En même temps, on s'en fout, Marc. Il y a plein de stéréos qui font des liens de couche. Ça nous dérange pas. Moi, je vais te dire, de toute façon, c'est pas Polo qui me la mettra. Il t'a rien demandé, Polo. Il t'a dit Marc, quoi. Marc, du coup, comme t'es gay, j'ai une question. Parce que on a un mec qui je vais pas te le dire, je te le dirai après parce que j'ai pas envie de t'influencer. Ça m'intéresse pas. En fait, non, mais attends, Marc, est-ce qu'on pose la question? On viendra à deux. Est-ce que quand t'entends, genre à la radio, Toff qui se fait traiter de sale PD, ça te choque ou ça te fait marrer? Non, je trouve ça tout à fait normal parce qu'on a. Tout ce qu'on mérite en fait. Enfin, après, toi t'es dans un délire aussi. Non mais j'explique parce que il y a des gens que ça choque et après il y en a qui ont déjà appelé, tu sais, pour oui, ouais, vous avez eu des propos homophobes, tout le bordel, parce que Toff, ce qui est dingue, c'est Toff qui se fait traiter de PD. Hein. C'est pas comme si c'était Toff qui disait au mec ça le PD. C'est l'inverse. Et donc du coup on a eu ce problème. Et je me suis dit, mais au final, parce qu'il y a plein de gens qui disent espèce de PD comme il dirait espèce de connard, tu vois, c'est devenu entre guillemets une insulte, mais c'est même pas en pensant à l'homosexualité, c'est juste. Bah, j'ai mon meilleur ami qui est gay, quoi. Et il passe sa journée à traiter tout le monde de ça. PD hein. Ouais, ouais, de ça. Je peux pas le dire, du coup. Il fait limite des crises d'hystérie, mais arrête de le traiter de PD, t'en es un. Oui, mais merde, enfin, bref, quoi, enfin, voilà. Non, mais ça me rassure qu'un gay, en fait, me dise, bah, écoute, moi, je m'en fous, ça me choque pas. Donc, comme ça, non, au moins, voilà. Après, que moi, que quelqu'un me traite de gay, en fait, ça me fait un peu chier, mais je me dis que chacun sa vie, fait ce qu'il veut. Évidemment. Voilà, je veux pas savoir ce qu'il fait de son cul. Et puis de toute façon, vu sa tête en général, il doit pas faire grand chose, le garçon. Peut-être un peu frustré, donc voilà. Je pense que non, mais voilà, mais effectivement. Et puis chacun fait ce qu'il veut, son fion. T'as bien raison. Bon, Marc, voilà. Bah, écoute, merci d'avoir appelé. En tout cas, tu nous rappelles quand tu veux. Ouais, la bise. Et puis, j'ai plaisir de passer avec vous. Quand tu veux, écoute, pas de problème. Salut, Marc. Allez, salut, à bientôt. Salut, Michou. Ciao, bye bye. Caropé à suivre dans quelques minutes sur Énergie. Caropé. Qui c'est qui a fait ça? À ton avis. Bah, c'est tough. Il n'y a que des perdants pour faire ça. Tu parles de toi là. Je rappelle que pour l'instant il y a eu deux battles d'affilée. Hein. Ouais. C'était un peu le classico. Absolument. Il n'y a pas de classico. En fait, vous aurez remarqué juste un truc. En moins il y a quelqu'un qui s'excite. Hein. Oui, il y a... Mais non, non, il y a que toi. C'est un petit peu le classico qu'on attend toutes les semaines, hein, le battle entre Amina et Polo. Ah non, moi, je n'attends pas. Qui n'est pas obligatoire, évidemment. Oui, je rappelle que vous pouvez choisir de jouer contre Toff et Polo, Toff et Amina, Amina et Toff. Enfin bref, dans tous les sens. Surtout qu'avec les nouvelles règles. C'est moins intéressant de jouer avec nous, quoi. Ah bah oui, évidemment. Mais non, c'est la vérité, puisque avant, t'avais le temps de répondre et tout. Mais là, sinon, parce que moi, je m'en fous. Ah maintenant, ils bombardent. T'as une plaque d'eczéma qui t'a poussé depuis la semaine dernière. Ça, c'est parce que t'as des problèmes de vue, ça. Je vous expliquerai le changement de règles. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais un petit peu quand même. Bon, on va jouer avec Steven, avec Lucas dans un instant. On va d'abord se mettre le son de Maître Gims. Et puis, juste après, on sera là, karaopé, au taquet, comme d'habitude. Des extraits de musique à découvrir. FIFA 17 notamment à gagner. Donc, on va jouer avec Lucas, avec Steven dans un instant. Il est 2h17, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie et Maître Gims, comme promis, maintenant. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz, la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Longé dans le monde de la nuit, de l'envie. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. Je suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du les gens. We'll be right back. raté une. C'est Mickaël sur Energy, Shawn Mendes à suivre, The Parakeet également. Il y a un message qui dit Polo se scandalise tous les jours pour rien. Et là, il y a un fou qui baise en couche et il dit rien. Il est malade ? Oui, je suis tombé par terre en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Toutes les nuits jusqu'à 4h, c'est Mickaël sur Energy. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Allez, on est de retour maintenant, on est en direct et on va se faire maintenant le karaopé. Karaopé avec Steven, avec Lucas. Salut Steven, salut Lucas. Salut, bonsoir. Salut. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui. Bon, ouais, ça va, tranquille. Alors, Steven, t'es sur la ligne 2, Lucas est sur la ligne 3 dans le standard. Donc, du coup, Steven, tu peux choisir d'abord avec qui tu veux jouer. Avec Toff, avec Amina ou avec Polo? Alors moi sans hésiter je vais prendre Amina. Ah, tu prends Amina, très bien. Et choix. Lucas, tu choisis Toff ou Polo? Polo. Tu choisis Polo, et eh bien oui. Le classico qui est de retour pour la troisième fois consécutive. Mais hey, les gars, c'est à vous de jouer. Non mais c'est un truc de ouf. On va pas vous... Là on... en fait c'est plus comme avant. C'est plus l'ancien karaopé hein. Bon attention, je vous explique un petit peu. Parce qu'en fait je crois qu'ils comprennent pas. Je vous explique un petit peu les règles. Mais là aussi c'est important. Les règles sont les suivantes. Il faut évidemment trouver... C'est quoi le là? Ça c'est chez Comment Steven. Tu peux enlever les 4 clignotants là parce que c'est un peu insupportable. Ah oui, excuse-moi. Il a pas perturbé Polo, il va dire qu'il a perdu à cause des clignotants. Non. Je te rappelle que tu n'as jamais rien gagné. C'est que c'est l'auditeur qui a bien joué, il a gagné sur une réponse enfin. C'est vrai. C'est vrai. Moi j'en parle. Je récapitule. Donc il faut évidemment trouver, il faut avoir le maximum de points pour gagner au karaopé. Forcément, on gagne des points en trouvant les bonnes réponses. Les réponses à quoi? Eh bien aux extraits de musique qu'on a transformés en paix, mais qui ont toujours l'air d'origine. Donc il faut retrouver la musique d'origine, bien sûr, pour trouver, pour avoir le point. Vous êtes aidés par donc Steven, par Amina et Lucas par Polo. Attention, je rappelle donc que pour gagner, il faut évidemment le plus de points, mais que pour gagner, il faut que vous trouviez au moins une réponse par vous-même. D'accord. Ok. Et là où je contredis un petit peu Polo, c'est que certes, avec ce nouveau jeu, avec cette nouvelle règle, c'est différent, c'est vrai, mais en imaginant que Steven trouve la première réponse, bah, il sait que lui, s'il gagne, c'est banco direct. Donc à ce moment-là, voilà. Amina peut y aller à fond de balle. Tu vois, je veux dire. Ou inversement, ouais. Hein, si Lucas trouve la bonne réponse. Oui, mais on n'intervient plus là-dedans, nous, en fait. Parce que, bah, si. Bah non. Bah si, non, parce que si Lucas trouve la bonne réponse, bah, oui. La première, il a un point. Oui, il a un point. Mais si derrière, Amina et Steven trouvent les autres réponses, bah, c'est Steven et Amina qui gagnent. Oui, mais, elle, mais rien. Oui, mais le fait qu'elle donne la réponse ne le fera pas gagner plus. Attends, ça je veux dire. Choque que moi que Polo bah, se tourne sur l'arbitre. Non, j'explique. J'explique. Le principe, c'est d'avoir après, toujours c'est plus de points. Non, mais je sais. Non, mais je dis juste que. Ah, t'as encore à inventer une nouvelle règle. Non. Bah, il faut juste avoir plus de points. Bah oui. C'est pas parce que Steven ou Lucas trouvent une réponse qu'ils gagnent d'office. Mais oui, mais c'est oui, mais on est d'accord. Et ben voilà, donc il y a toujours cette espèce de battle quand même. Oui, mais c'est eux de marquer les points. Oui, au moins un. Oui. Ah ben non, il y a une nouvelle règle encore. Mais non, avant c'était pas comme ça. Si. Ça a toujours été. Il faut qu'il. Non, mais attends, Polo. Mais non. Tu vas repartir avec une pénalité de 1 million. Mais non, mais ils ont même 2 millions. Mais non, mais attends, mais la règle est quand même la même depuis. Mais non, puisqu'avant. Est-ce qu'on peut expliquer les règles? Non. En fait, on avait changé la règle parce que quand on jouait, c'est que par exemple, si Toff jouait avec Amina, si Toff, les mecs attendaient que Toff marque 2-3 points. Et après les mecs ils attendaient. Il n'y avait pas de jeu. Non, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Mais là maintenant, on avait dit, et je répète encore une fois, que Steven et Lucas, donc écoutez bien, hein, vous devez trouver au moins une réponse par vous-même. Donc si jamais Amina trouve toutes les réponses, en imaginant, du coup effectivement Steven tu gagnes, mais tu n'auras pas le cadeau parce que tu n'en as pas trouvé au moins une réponse par toi-même. Et c'est ça. Ce d'accord, qui veut dire que si jamais Steven trouve la première bonne réponse par lui-même et que par chance tu as le plus de points au total, tu gagnes. Mais si jamais tu trouves la première réponse par toi-même, mais que Lucas a le plus de points, bah il n'y a aucun des deux qui gagne. C'est ce que je te parlais pour le cadeau. C'est ce que je. Mais on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais oui, non, mais c'est donc ce que j'explique. On s'embrouille parce qu'on est d'accord. Mais non, oui, mais bah c'est génial. Non, mais c'est toi qui voulais. Bon allez, du coup, donc tout ce merdier est fait. Nous allons pouvoir commencer. Un thème particulier ce soir. Ah oui, un thème particulier. C'est le thème. Qu'est-ce qui se passe, Polo? Non, parce que je vais retourner son téléphone. Ah, d'accord, ok, pour tricher. Non, bah c'est normal. À part c'est normal. Ça, il s'en fout, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, il a raison. Non, il y a des règles. Tu triches. On ne triche pas. Attention, Steven, Lucas, c'est parti. Vous pouvez aussi jouer si vous avez une idée par SMS. Mickaël et votre message au 612. Thème particulier, dessin animé. Ah non, mais attends, si c'est des trucs aussi de. Je ne pense pas t'avoir demandé ton avis. Bon, d'accord. Bon. On y va. Tu devrais lui mettre une pénalité quand même. Je rêve. Les pénalités arriveront à partir de maintenant s'il y en a qui chipote. Très bien. On y va, premier extrait. C'est parti. Polo, Polo. Les Simpsons. Bonne réponse. Très bien. Je ne dis rien. Et voilà de Simpson. Eh hey, mais joue parce que sinon tu vas rien gagner. Hein. Ah moi, ouais, je vais éclater. Bon. Moi j'en ai rien à foutre. Je vais tout bombarder. Hein, tout bon, ce moi je n'ai pas rien à foutre, Steven. Non, on va y arriver toi et moi. Lucas, un point. Lucas et Polo, un point. Steven, zéro avec Amina. Extrait suivant. Écoutez bien, qui vaut toujours un point. Un dessin animé. Amina, Inspecteur Gadget. Non. Steven, Lucas, pouvez jouer. Hein. Polo. Polo. Dragon Ball Z. Non. Je vous le remets. Amina, Pokémon. Non. Goldorak. Polo, Bob l'éponge. Non. Ah, Ton nom. Ouais, donnez votre prénom avant. Hein. Ouais, attends, je réfléchis, ouais. Vas-y, Steven. Polo. Dora l'exploratrice. Non. Amina, Franklin la tortue. Franklin la tortue. Elle est stylée, la chanson de Franklin. Non. C'est quoi la chanson? Lucas, Bob le bricoleur. C'est quoi, Lucas? Bob le bricoleur. Non. Bob le bricoleur. Amina, Teletubbies. Non. Bah alors, je pensais que vous allez trouver plus vite. Hein. Lucas, Scooby-Doo. Non, c'est pas Scooby-Doo, non. Amina, Tortue Ninja. Non. Amina et Schtroumpf. Non. Ça ressemble pas aux Schtroumpfs quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Steven? Reine des Neiges. Non. Les Teletubbies. Non. C'est pas un dessin animé. Bon alors. Steven, oui. Non. Je vous donne un indice. Ouais, un indice, ouais. Tigre. Tigrou. Non. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Bonne réponse, Steven. Yes. Franchement, j'aurais pas trouvé. Et voilà. Kuna Matata. Bravo, ouais. Steven. Voilà. Ce mot signifie que nous avons un point. Ouais, c'est beau. Franchement, j'aurais pas trouvé. Steven, un point. Lucas, un point. Steven, tu as un point, mais qui vaut plus que celui de Lucas, ouais, malgré tout. Oui. Forcément, ouais. Puisque ce point exact te permet de gagner si jamais tu as le plus de points au final. Ouais, attention. Je suis meilleur au goal average. Et voilà, et c'est exactement ça. Allez, c'est quoi un goal average? On y va. Reste c'est concentré. La différence de but. Ah, bon, allez, on y va. Troisième extrait. Le troisième extrait vaut 1000 points. Venez. Polo. C'est pas le Roi Lion. Non, il est n'importe quoi. Polo, ce rêve bleu, Aladdin. Aladdin, bonne réponse. Ce rêve bleu. Tu devrais connaître, Tamina. C'est une énorme blague. Qu'est-ce qu'il y a? Aladdin, le prince des voleurs, je sais pas si c'est moi. Hein. Ah, c'est pas moi en tout cas. Les gens qui volent des points. Oh, j'ai voulu. Eh, moi, je vous dis, vous me choisissez, moi je défonce tout, je viens de répondre. Ah, c'est pas fini. Bon, 1001 points pour Polo, 1 point pour Steven. Attention, extrait suivant, il vaut 100 000 points. Allez, Steven. Polo, Captain Flamme. Bonne réponse. Eh, mais par contre, je veux récupérer le cadeau. Capitaine Flamme. C'est bien ce générique. Steven gagne, hein, Lucas. Ouais. Non, bah non. Bah, il a un point. Non, vous gagnez, mais pour l'instant, Lucas gagne le cadeau. Capitaine Flamme. Ah, d'accord, si je marque tout, en fait, personne ne gagne. Et voilà. Ah, d'accord. C'est le bâtard. Allez. Allez, Amina, là, faut y aller, là. Attention. Vas-y, Steven. Si on marque, là, c'est bon. 101 000 et 1 point pour Polo et Lucas contre 1 malheureux point pour Steven et pour Amina. On voici le fout, dernier extrait. Le dernier extrait qui vaut 1 million de points. Écoutez. Steven, Inspecteur Gadget. Non, pas ça, Steven. magnifié. Amina. Parce que t'as été mettre ta tête en bas, j'ai entendu le son de Seba qui était en train de te souffler. Alors là, je vais vraiment arrêter de plaisanter. J'ai enlevé le casque pour chanter la chanson parce que je ne m'entendais pas. Je fredonnais pour retrouver le titre. Ah ouais, mais pourquoi moi... Attends, il y a eu un truc là. C'est grave abusé. Non, parce que pourquoi il aurait gueulé comme Amina, ça. Ah non, Amina, triche pas. Elle est sérieuse. Vous êtes sérieux ou quoi? Ouais, changeux, mais j'ai un fait autre. Comme ça. Mets-en un autre si t'es à trouver. Vas-y, mets un autre. Parce qu'après, ça va contester, nanana, ça va pleurer, ça va mettre du Vita. Non, c'est toi, Vita. Moi, tu m'as déjà vu parler de ce truc. C'est toi qui en pleure là toute la semaine. Bon, attendez. C'était le livre de la jungle. Je le savais en plus. Ouais, tu vois, comme par hasard. Alors, attendez. Attendez. J'ai un escroquerie. Je surveille. Le grand escroquerie là. Mais faites sortir Seba, moi, la grande saucisse là. On peut pas voir le ralenti là. Non, malheureusement on a pas le ralenti encore là, c'est dommage mais bon. Alors attendez parce que putain, faut que je trouve moi aussi maintenant un extrait, vous êtes gentil. Bon, Steven, tu te concentres. C'est que j'étais en train de m'endormir moi à un moment donné. Oh, je me suis senti un arbitre sur un terrain de foot. C'est beau, franchement. Tu devrais avoir. Faut t'acheter un sifflet. Le sifflet. Toi, il faut un sifflet. Toi, tu achètes un sifflet. Bien sûr. Ah bah franchement, moi, je veux un petit sifflet aussi. Ouais, putain, franchement, ouais. Ah ouais, ce serait bien. Attends, j'ai pas changé. Bon, c'est chaud quand même. Non, mais je rêve. Carton jaune. Franchement, mais abus d'arbitrage. Non. Si. Non, c'est bien toi, c'est sorti de ta bouche. Ouais, fais attention. Bon, du coup, je mets un extrait suivant, écoutez bien. Celui-ci vaut toujours 1 million de points. Ivan, oui. Non. Oui, à cause d'Amina, on n'est plus dans le thème. Hein. Ah bon? Ah non, c'est open. Hein. Ah, c'est plus dessin animé là! C'est plus dessin animé celui-là, bah non, puisque j'en ai que 5. Amina, Martin Garrix? Non. Amina Feder? Amina, t'es devant moi, t'es obligé de donner ton nom, hein, Mongol. J'ai passé 59 devant moi. Amina Feder, oui, je sais, il a que. En plus, il y a qu'une seule fille qui joue. Justin Bieber? Non. Amina. Non, mais c'est pas ça, Steven. C'est Jacques qui a dit le truc. Alors. Oh, c'est chaud. C'est un hit. Ah, c'est un vieil hit ou un vieux? Non, c'est un an. Shakira? Non. Beyoncé? Polo? Non. Rihanna? Polo? Amina, allez, vas-y. Amina. Amina Sean Paul? Non. Ariana Grande, Polo? Non. Un groupe de pop rock. Steven, Martin Garrix? One Direction? Non. C'est pas mal. Zayn Malik? Non. Simple Plan? Non. Mika Darfeng? Non. Fifth Harmony? Non. Bête Dido? Non. Oh là là. DJ Polo? Qui passe sur Energy? Bah ça passait, ça passe plus, enfin ça passe de temps en temps, mais c'est rare maintenant. Mais ça passait hein, beaucoup, il y a un an à peu près comme ça. Ils ont fait un duo avec Beyoncé il n'y a pas longtemps. Oh, Coldplay. Motherfucker. Ah, Steven, il a dit. Voilà, donc maintenant qu'on va pouvoir faire le vrai, hein, donc voici, écoutez, le dernier extrait, dessin animé. Celui-là, c'était juste pour foutre un peu le bordel. Non, bah arrête, ça. Voilà, maintenant c'est le dernier, c'est le dessin animé. Ah, c'est une blague. Non. On s'en fout, on s'en fout. Parce qu'Amina a triché tout à l'heure, donc. Trop marre. Polo, la jungle. Le livre de la jungle. Quoi ? Le livre de la jungle. Bonne réponse. Il en faut très très peu pour tricher. Moi je me casse. Non mais c'est un truc de fou. Ça va. Ça va. Ça va. Ça m'arrange que tu parles le 30 septembre juste avant les salaires. Non mais très bien. Jusqu'au bout là. Ah ouais, là, c'est radio en fume, c'est quoi ça? Ne parle pas de radio comme ça. Attends. Venez là. Prenez la vie du bon. Elle est vénère. Et vous serez. C'est vraiment là où on est. Regardez-vous en face maintenant. Peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Chassez de oh, ça va, Mina. Vos soucis. Bon, allez, allez, allez, Tom, on va lui faire une bise. Allez, ah non, hors de question. Allez, allez. Un vendu bon, pareil. Bon, allez, je suis bon prince. On vous offre le jeu FIFA 17 à tous les deux. Non, mais qui a gagné, c'est ça la question. De quoi? Qui a gagné? Bah, Polo. Polo et Polo. Lucas. Ah ouais. J'ai remarqué, je ne ventile pas moi. Je suis là, tu vois, je suis tout en respect. Mec, t'es en zénitude. Comme si t'inquiète pas, tu l'as pas fait. Il était en train de twerker debout sur la table, ça va. C'est ça. Et après il dit je me la remets pas moi. Tout en finesse, tout en Christophe. Bon Steven, restez avec Seba au standard. Je vous repasse le standard, on prend vos coordonnées. Bah ça va, il a gagné quand même. C'est juste, il y a que toi en fait qui râle hein. Bah, ils ont gagné tous les deux. Hein, normal, il n'y a que moi qui me suis fait voler comme oh, dirait certains. Ça y est, allez, allez, ça bonne chose maintenant. Bon, salut les gars, en tout cas, on va se faire des appels mal intentionnés dans quelques minutes. Shawn Mendes maintenant et. Bah ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave, oui, Amina, tu galeras peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Laisse-moi tranquille, toi. C'est pas grave, il y aura peut-être un autre classico la semaine prochaine, on verra. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves. Gentlemen, tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. No, better than he can, better than he can. Bonsoir, c'est Mickaël sur Énergie. Parce que la nuit, c'est un lieu secret. Un lieu magique. Chaque nuit est un événement. Parce que la nuit n'est pas faite que pour dormir. Et que la nuit, il se passe bien des choses. Mickaël s'installe tous les soirs, de minuit à 4h. Alors profite-en. C'est sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Et je rappelle que dans moins de 10 minutes maintenant, on va filer encore des FIFA 17 sur le Twitter de l'émission. Si vous n'avez pas encore fait un petit follow sur le compte, bah, c'est le moment. Hein, vous tapez M-I-K-L officiel. On va écouter The Parakeet à suivre et on va également se faire les appels mal intentionnés maintenant. Appel mal intentionné donc avec ce... Ah oui, le générique, pardon. Mais ta mère, fils de pute. Fils de pute. Oh là, bah Amina. Ça, je suis vénère. Oh là là. Je vais chanter paroles maintenant. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Enculé. Bah merde. Sale bâtard. Je te dis que le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du test-ski. Voilà, bon, alors, on va donc appeler maintenant des gens puisque nous sommes tombés sur cette info qui vient de, du magazine Cosmo, hein, la masturbation chez les femmes qui est de moins en moins tabou. Elles seraient 75% à admettre se faire plaisir toutes seules quand elles n'ont pas de mec et près de 40% même quand elles sont en couple. Donc Tof, vérification immédiate. On fonce. On appelle des gens, des numéros de téléphone que vous nous envoyez comme tous c'est les soirs. C'est pour changer. Quel regard. On fonce. Ça y est, t'as perdu et maintenant t'as besoin d'extérioriser. Non, le haut fond c'était placé bizarrement. On est d'accord. J'ai demandé, j'ai l'impression que c'était bizarre. On fonce. L'acteur studio. Je te remercie. Bon, donc on y va, on appelle. Non. On fonce. Non, on n'appelle pas, j'appellerai demain. Allez, on fonce, Tof, allez. Oh, allez, on va pas nous faire chier là encore là. Grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof, donc TOPH. @energie.com. Allez, Amina, on appelle? Non. Allez, on fonce. Il y avait pas de aller, hein. La fleur au fusil. Ouais. Il habite en avant. Chut. Allô, oui? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous masturbiez de temps en temps. Quoi? Est-ce que vous vous caressez de temps en temps? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Il n'y a pas autre chose à faire? Non, je suis au chômage, madame. Du coup, moi, j'aime bien appeler les gens pour leur poser des questions. Ouais. Eh ben, allez-vous faire foutre. Oh non, madame, dites pas ça, ça se fait pas. Ah merde, elle a raccroché, donc. Putain, elle a foncé aussi, là. Bon, on rappelle. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. On a été coupé, parce que ce que vous avez dit. Bah, je voulais savoir si votre, s'il arrivait à votre femme de se masturber, monsieur. Espèce d'enculé. Oh, et non. Toi, tu te fais enculer, toi. Bah non, monsieur, pourquoi voulez-vous que je fasse enculé, ça? Bah non, monsieur. Tu te fais enculer, toi. Mais pas du tout. Ouais. Pourquoi voulez-vous que je me fasse ça? Tu dois aimer ça, t'es pas enculé. Tu dois aimer le sucer les bites, toi. Hein. Mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? Ah ben parce que je m'en doute, quoi. Mais vous vous doutez de quoi, monsieur? Enfin, non, ça se dit pas des choses comme ça, attendez-moi. Ouais, mais rien qu'à votre voix, ça. Mais ma voix de quoi, monsieur? Mais qui tu es, toi, espèce de connard? Présente-toi. Je m'appelle Tof, monsieur. Où tu es? Où tu es? Viens me voir, viens. Je suis à Paris, monsieur, dans le 16e. Ah ouais, je vais te faire je vais te faire bouffer tes couilles, connard. Oh non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça, enfin, c'est pas gentil. Allez, va te faire voir, hein. Oh non, monsieur, non, arrêtez de dire ça, répondez à ma question. Là. Ah, là, ça a coupé. On rappelle, c'est pas grave. J'ai un peu de chance que madame voulait peut-être éventuellement nous parler. Mais... On peut finir sur un répondeur quand même là. Ah bah écoute, il y a des chances, hein. Eh ben, voilà. Bonjour. Est arrivé ce qui va arriver. C'est pas grave, dans moins d'une heure on en appellera d'autres, ce sera dans leur sup. Et puis, bah, du coup, bah, ça arrive, hein. Rémi de Macon qui est trop mal au crâne avec les règles du karaopé. Putain, j'ai essayé de faire plus simple en les modifiant. c'est quand même plus simple. Après, c'est parce mais que oui, Polo n'avait pas compris et donc du coup, c'est parti un peu non, en, je me suis, en cacahuète. Mais, je me suis emmêlé les pinceaux. Bah ouais, mais du coup non. Bonsoir, Fabien. Alors, moi, mon kiff, c'est de mettre des produits nettoyants en, sur les seins des meufs. C'est un délire un peu particulier, on va dire ça. On va dire ça. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire? On va s'écouter de Parakeet maintenant. Juste après, on fait le Polo Show. Polo Show, donc, c'est au 01 40 71 5000. Si vous avez envie de participer, si vous avez envie de taper un coup de gueule, si vous voulez taper Tof, sûrement, c'est possible aussi. Moi, je vais aller Polo Show, je pense. Mais vas-y. Si tu peux, tiens. 01 40 71 5000. Écoute, Amina, c'est pas grave. Si t'as besoin de parler après cette défaite. Oui, oui. 01 40 71 voilà, 5000. Merci. Tu peux, y a Polo pas de problème. T'écouter. Ça va aller. Tu vas galérer un peu parce que c'est assez bas au standard. Donc ouais, ça va je sais. Ouais, mais ça va aller. T'inquiète. Appelle pas. Maintenant, là. Ouais, ouais, il vaut mieux. Allez, c'est parti. The Parakeet maintenant. J'aime beaucoup ce morceau avec cette espèce de petit air asiatique au milieu. J'adore. Oui. Parakeet maintenant, 2h46. On est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur NRJ. About to land. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Bonne nuit tout le monde, 2h49. Bon, on va se faire le tirage au sort, le dernier là pour repartir avec FIFA 17. On fait des tirages au sort depuis. Ouais. Depuis 1h du mat, enfin depuis minuit globalement, hein, sur le Twitter, MIKL officiel. Attention, tirage au sort. Le dernier gagnant de ce soir n'est autre que. At Tof Mouk. Oh, c'est gentil ça, merci. Mais c'est pas toi, Mongol. Tof Mouk. Ah, pardon. Tof Mouk, d'accord, bah voilà, bravo Tof Mouk. Voilà. Tu repars avec FIFA 17 sur PS4 et on en offrira encore un dimanche, voilà, 20h minuit, on sera là en direct sur Énergie et là 2h49. Avant d'écouter le son de Sia, Sound of Legend, il y aura aussi Sac Noël tout à l'heure avant 4h. C'est l'heure du Polo Show. 01 40 71 5000, bienvenue dans le Polo Show, il y a Michel à l'arrière. Ouais, je suis là, hashtag Mich ouais, sur Twitter. Bientôt au compte certifié. Ouais, bientôt, ouais. Amina, je peux avoir FIFA, tu vas pas tirer au sort sur Twitter. C'est normal parce que t'es un tocard, c'est pas pour toi tout ça. Christophe et le tocard sont au standard, n'hésitez pas à les appeler au 01 40 71 5000. Je répète, 01 40 71 5000. Polo sur Énergie, c'est le Twitter. N'hésitez pas à y aller à fond de balle. À fond. On fonce. Antoine. Surtout les mecs avec des grosses bites. Ta gueule, toi, Antoine. Oui, oui, j'ai vu Starguest là sur Twitter. Il a mis bon petit message à Antoine du Polo Show qui va certainement lire ce tweet. Moi, je tweete avec le hashtag Team Starguest et on t'emmerde tous. Bon, par curiosité, j'ai cliqué quand même parce qu'on t'emmerde tous. Ça me choquait un petit peu. Et finalement, bon, bah, il y a deux j'aime, hein, Starguest et puis un fake, Kia Smith. Bon, zéro abonnement, cette tweet, super. Il se lâche là, Antoine, il se lâche. Oh, Alan! Ouais, Popo! Hop, je suis pas Popo, moi, ouais, je t'appelle popo. Pas AA, moi. Ça va, Popo? Ça va, mon Polo? Je suis pas ton Polo, mec, respecte un peu l'homme. Hein, parce que c'est bon, Polo. Bon, Alan, réfléchis un peu, je te prends après. Jean-Jacques! Hey, Polo! Ouais! Tu diras à Mina, la prochaine fois, elle achète de la vaseline, hein. Tu vois comment elle s'est fait enculer au carotté. Oh là là là là là là, t'as pas autre chose à dire, toi. Abdel! Ouais, j'ai un coup de gueule à passer, Polo. Pousse! Y a plus de politesse, là, au téléphone et tout ça. Bon, je peux comprendre que ce soit pas Tof en face et qu'il l'emmerde et tout. C'est ça que je te dis. Mais bordel, quand même! Un peu de politesse! Mais de quoi tu parles? Là, je parle des appels mal intentionnés. Abdel, c'est pas le, oui. Le bureau des pleurs ici? Ouais, je sais. Y a pas de politesse, quoi? Y a pas de politesse? C'est un appel mal intentionné? Tu t'attendais à quoi? Ouais, mais quand même, on a pas mal de ce que tu t'attendais à quoi? Qu'il lui tienne la porte, qu'il lui donne du monsieur, s'il vous plaît, et puis qu'il suce la bite à la fin, c'est ça, Abdel? Bah, peut-être pas quand même. Et bah alors? Mais bon. Bon, c'est bon, t'as fini? Bon, c'est vrai que ça reste tough. Voilà, merci Abdel, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Thomas, 01 40 71 5000. Ouais, bien quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je voulais juste te dire que t'es une baltringue. C'est quoi, vrai. Hein. Dégustant, t'as tous les boulangers. C'est vrai, je suis une baltringue. Et pourquoi tu appelles une baltringue à cette heure-là? C'est peut-être parce que t'es un peu une baltringue toi aussi, non? Gros, je conduis, hein, j'ai rien à faire. Hein, non, c'est pas parce que t'as rien à faire, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que t'es une vraie baltringue, toi. Au lieu d'aller chez toi en train de dormir ou de faire autre chose, te reposer, peut-être parce que demain tu travailles, non? Tu appelles la baltringue. Non, t'inquiète, je suis en plein travail là. Bah oui, et pourquoi t'appelles? Bah travaille, fais ton pain proprement. Je suis en train de conduire, hein, mais rien à faire. Bah oui, bah. Bah écoute, continue d'écouter. J'aime bien ça, tu continues. Ah, t'en viens, tu vois, t'as voulu faire le malin, Thomas. Quel abruti alors. Scania Pépé. Scania. Ouais, ça va. C'est quoi ton vrai prénom? Parce que Scania, c'est un truc de voiture, je pense. De moto, ouais, de camion. De camion, de oui, camion. Oui, qu'est-ce que tu veux, camion. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, moi c'est pour Stargate et Jackie. Là. Ouais. Dégueulasse la fleur rose de leur mère. Ils ont plein de boulettes de PQ collées au cul. Dégueulasse. Dégage, on comprend rien. C'est naze, c'est pas drôle, c'est inintéressant. Momo. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je fais un petit dédicace. Vas-y. À la bouliche là, qui doit être sur la route, et puis à tous les betteraviers là, de la 25. On est reparti, on est chaud. Allez, on salue les betteraviers, 01 40 71 5000. Kelvin. Ouais. Attends, tu t'appelles Kelvin? Ouais, Kelvin, ouais. K-E-L. Moi, Celsius. K-E-L-V-I-N. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi, pourquoi? Ouais, c'est pas Kevin. Bah, parce que c'est comme ça, il faut que je pose des questions. Bah, alors dégage si tu me poses pas de questions, Antoine, on y va. Qu'est-ce qui frappe des pieds avant de mourir? Starguest? Non. Ah, je rigole. Les supporters de Bastia. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Tu peux éviter de faire ce genre de blague? Bon, ok. Ouais. Tu nous en fais une autre là pour te laver ta honte? Qu'est-ce qu'un sentiment partagé? Je sais pas. Quand ta belle-mère recule dans un ravin avec ta nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Marc. Ouais, Marc, bonjour à toute l'équipe. Juste... Pas mal. Ouais, pas mal. Les mecs se réveillent, mais pas mal. Ouais, non, juste pour vous dire un bon check à vous. Vous êtes nickel, vous êtes parfait, au top. Et petit dédicace à toutes les personnes qui bossent en Suisse. Message est passé. Anthony, on t'écoute. 01 40 71 5000. Je voudrais dire, je baisse la mère Michel. D'accord, c'est tout? Oui, c'est tout. Ok, John, on y va. Ouais, Polo, j'ai des doutes sur le fait que tu n'aurais pas sucé Mich-Mich, là, sur le jeu précédent, là, parce que vous l'avez bien niqué, Amina. On n'a niqué personne, mec, on a sucé personne. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Si, attends. C'est quoi? Mais tu t'es pris. T'es qui, mec? T'es quoi? T'es juge arbitre? T'es quoi ici? Ouais, bah. T'es rien, dégage. Michael n'a toujours raison, même s'il a tort. Le chinois, on y va. Ça va, Polo? Qu'est-ce que tu veux? Pas trop énervé? Je suis pas énervé, je suis jamais énervé, j'ai pas d'ego, moi, je m'appelle pas le chinois. Qu'est-ce que tu veux, ouais, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, viens-en au fait. Oh là, casse-toi. David, il m'a saoulé. David ouais. Oui, Polo, t'es le meilleur. Je sais ça. De les rappeler. C'est tout? Ah, ben, je te dis une bonne dédicace à tous les chauffeurs. Et une petite devinette pour toi. Deux trous dans un trou. C'est ton nez dans mon cul, David. Je la connais par cœur. Ah, c'est un truc. CM2, mec. CM2, voire 6ème. Est-ce qu'on peut avoir un petit jingle pour aller à cette émission, Mich Mich? Hein? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là! Jingle! Ah! Tu sais que t'es redevenu le réalisateur le plus mauvais de la bande FM, hein? Ouais, j'ai toujours été au top. Ah ouais, au top de rien, quoi. Alors, jingle! Allez, vas-y! Jean-Luc, on t'écoute! Ouais, salut, je pourrais avoir une photo dédicacée? De qui? De Starguest, parce que c'est une super star chez vous, j'ai écouté parler de ça, franchement, je voudrais juste me masturber dessus, ça dérange pas. Bah écoute, si... Enfin, tu vois, après bon, tu peux signer aussi, mais en vrai... Non, je suis malin, attends, je t'explique, moi je suis pas une star, moi je fais pas de dédicace. Jean-Luc... Ouais, bah je sais, bah ouais, ouais, écoute, ouais. On va essayer de t'arranger ça, d'accord? Ouais, c'est sympa, merci beaucoup, Polo. Tu reviens quand tu veux, Thierry, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, salut, c'est pour dire une bonne dédicace à tous les chauffeurs routiers qui roulent la nuit en Scania V8. Message est passé, tu reviens quand tu veux, Emeric. Ouais, c'est pour dire une dédicace à la voile blanche et que tout le monde vienne demain, c'est mon dernier jour. Et Polo, ta gueule. Avec plaisir, Abdel, on y va. Ouais, un dernier message, Polo, avant que tu me coupes. J'ai un petit big up de pour vous, en fait, de la part d'un pote qui est à l'hôpital. Et il vous dit, bah, continuez comme ça, lui, il vous écoute tout le temps et... D'accord, bah c'est meilleur pour lui. Bah c'est cool, puis bah qui se bah bon rétablissement. Il y a pas de souci, je lui ferai passer le message. Enfin, okay. Il doit être en train de vous entendre déjà cette heure-ci en scred là. Et ben on le salue en scred aussi. Allez, salut. Salut Abdel, tu reviens quand tu veux, le chinois. Ouais, je voulais quand même dire les gars, respectez Starguest, c'est un peu une star le gars, il fait des périscopes et arrêtez de dire c'est Starguest officiel. Donc c'est vrai, bravo le chinois. Star. Merci. C'est vrai, il faut remettre les choses un peu en place. Nadir! Oui, c'est pour Amina. Il faut pas qu'un flash faire entre les mecs comme voilà, ça. Et Nadir, Nadir, tu t'es plus, ouais, ça quoi, y est. Quoi. Ouais, on va défendre la communauté et tout. Eh, Nadir! Bah, Nadir! Ouais, quoi, ouais. On a rien à foutre de ce que tu dis. Mickaël a décidé, c'est comme ça, c'est pas toi qui décide. Non, il faut arrêter. Ça, ouais, un peu de respect, les gars. Oh. Eh, hey, Nadir, on fait ce qu'on veut. Est-ce que nous, on vient dans tes conversations, là, et on vient se mêler de ce que tu dis, toi? Bah, ouais, bah, des fois, tu fais que... Non, je m'en fous de ta vie. Hécatombe! Hécatombe, maintenant. Ouais, apocalypse! Non, j'ai juste envie de... Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu sais, c'est ton vrai prénom, Hécatombe? Ouais. Sérieux? C'est ça, ouais. Bah ouais, c'est trop bien. Non, mais j'avais juste envie de t'arracher les couilles. Laisse-moi tranquille, putain. Hécatombe, dégage. Putain, il est con celui-là. Pour une fois, je m'intéressais à lui. Oh, j'en peux plus. Fred, 0140, 71 000. Michel, musique. Générique, on y va. Non, je délire. Non, je... Jingle, je veux dire. Hein? Jingle. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est une tronçonneuse? Ah ouais, je comprends. Oh là, bon allez, on fonce là, Fred. Ouais, Polo, salut. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'était pour faire une dédicace au routier de la Light officiel. C'est fait, Yacine. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Master Pucci, c'était une grosse merde. Dédicace à GVC. D'accord, Yacine, tu sais qu'on a rien compris là. Ah ouais? Bah oui, tu parles tout seul, en fait, tu hachures, t'en fous, tu demandes même pas, t'es là, dégage. Cyril. Ouais, 01 40 71 5000, parle pas quand je parle. 01 40 71 5000, vas-y. Ouais, c'est pour faire une petite dédicace à Erwan, là, je dois avoir un chauffe-vibron électrique, là, à la maison, là, pour son internet. On comprend rien, on s'en fout. Maxwell, ah, voilà, voilà, regardez la classe. Maxwell! Ça va, mon pote, ou quoi? Ça va, mon pote, ou quoi? Tranquille. Bon, j'ai une petite proposition à faire à Toff, là. Vas-y. Ah non, c'est que son petit délire là, ça me plaît bien là. J'aimerais bien frotter ma bite contre la sienne là, contre les parois du cul d'Amina. Pardon? Je sais pas si ça l'avance, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu me dis mon polo, même toi Polo, vas-y, on y va. Oh, c'est... Non, Maxwell, non, pas de ça entre nous. Non, yacht sans clé. C'est quoi? Et puis, hey, les gars, qui écrit ça là? Yacht sans clé? Yacht sans claille? Yod? C'est quoi ton prénom? Yacht Senkai. Mais c'est quoi? Tu connais pas Yacht Senkai? Mais non, mec, tu crois quoi? Tu m'as t'es pris. T'es parti en Thaïlande, toi? Et alors? Allez, vas-y, on parle pas de ça. Eh ben, on casse-toi alors si on parle pas de ça. Antoine! Qu'est-ce qu'un lépreux dans un bain? Ah, c'est reparti. Je sais pas. Un efferalgan. Oh, c'est nul. Younes, on y va. 0140 71 5000. Ouais, Younes, salam, Polo, là. Salam. Ouais, c'est pour Amina. D'abord, une petite dédicace à tous les routiers là, et tous les chauffeurs de chez Pépé, là. Et c'est pour Amina. Si tu peux me mettre un petit RDV avec, je serais refait, quoi. C'est quoi un petit RDV? Tu parles rendez-vous. Non, mais je sais, mais parle normalement. Dis, je veux un rendez-vous. Voilà, tu n'en auras pas, dégage. Le chinois, on y va. Ouais, il faut qu'Amina elle arrête de crier au scandale. Hein. La Goal Line Technology l'a affirmé. Polo a gagné ce soir. Merci, le chinois. Michto. Ah, mon Polo, quoi. Bah, ouais, mon Michto, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis vénère, moi. Bah, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une espèce de grosse merde, là, qui a fait un compte Twitter en marquant Michto Énergie. Ouais. Si je te retrouve, je te brûle ta race, t'as bien compris ou quoi? Du cas, Michto, ça mérite pas de brûler quelqu'un, mais c'est vrai, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est vrai, c'est scandaleux. Sans Gaku. T'es à l'asile, toi? Allô? Bah, il a raccroché. Tu as Nicky Larson? Non, voilà. Maxwell! Ouais, mon pote. Ouais, c'est un mec qui zozote, là, qui va dans un bar. Et ben, la bonne femme, elle lui demande, elle lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux une sève. Petit, il dit une 1664. Il dit, non, une sève. Bah, il dit quoi? Une Anken? Il dit, non, une sève pour m'asseoir, connasse. C'est nul. Bastien, on y va! Allô, Polo? Ouais! Ouais, non, rien. D'accord, bah, super. Antoine! Il n'est pas là, Stargate? Non, il est pas là, non. Oh merde. Eh bah ouais, ça arrive. Hein. Jean-Jacques! Voilà, je voulais juste passer. Bonjour à tout le monde. Merci, au revoir. Merci à toi. Bah, propre. Le chinois! Putain, Antoine, c'est pas Stargate, c'est Stargate officiel. Putain, un peu de respect pour le gars. Et c'est bas, faut qu'il arrête, là, avec sa gonflette. Hein. C'est vraiment plus possible. Et Michto. Attends, tu l'as pas vu à Los Angeles, il est en sèche. Michto! Ouais, hein, dis-moi, j'ai vu une photo de Seba là, sans déconner, il est pas fait gay ou il est féminin sur les bras. Hein? Seba, c'est un mec tranquille. Bah, arrête tes conneries, hein. Je t'ai vu en photo en Marseille, là, c'est quoi ce délire? Hein, avec tes trucs, avec tes fleurs ou je sais pas quoi, là. Ah, un homosexuel, putain, arrête. Non, c'est, faut pas dire ça, Zoreille! Ouais, salut, c'est Zoreille. Salut, c'est Lèvres, Zoreille, ça va? Yanné à côté de ouais, moi. Ouais, ça va, ouais, nickel. Je voulais juste passer dédicace à tous ceux qui bossent de nuit, et juste pour dire qu'aux Marseillais, qui sont tous des fils de pute, voilà. Bon, ça n'engage que toi, les Marseillais. Ouais, c'est les Marseillais, mon petit son portefeuille, un mec qui me le rend, donc voilà, c'est des fils de pute. D'accord, message est passé, tu reviens quand tu veux. Antoine, on y va, 0140 71 5000. Ouais, salut, moi c'est Bouche. Où trouve-t-on un tétraplégique? Oh, vas-y Antoine. Là où on l'a laissé. Parfait, pas mal, c'est simplet. Maxwell. Ouais. On t'écoute. Ah, moi j'ai un message là pour l'autre PD qui est passé tout à l'heure. Là, c'est homophobe. Qui voulait. Ah bah on s'en bat les couilles. Ouais. qui voulait pas aller baiser son ex là, enfin sa meuf avec son ex et tout ça. Ouais. Parce qu'il avait peur d'avoir une petite bite. Ouais. Alors, on va vous apprendre un truc les bonhommes, que t'es une petite bite ou que t'en es une grande, du moment que tu craches à la gueule, tu t'en bats les couilles. Guy, conclusion, se barre. Dégage, Nico, conclusion! Ouais, ce sera pour une dédicace! Fais-la, au lieu de dire que je vais faire une dédicace! Ok, bon bah je fais une dédicace à tous mes potes de boulot! Message est passé! Chinois! Ouais, bah big up à Jackie et celui qui a un problème avec les Marseillais, là on l'attend, là qui vient ce fils de pute là! Message est passé, Michto! Ouais, Polo, je suis avec mon avocat, il est en ligne, il veut te dire bonjour là! Vas-y! Allô, c'est Maître Jackie à l'appareil, bande d'enculés là, comment ça va? Ça va très bien, hein? Maître Jackie! Eh, hey, l'usurpateur, va te faire enculer là, mon gars! Message est passé, Mickaël, conclusion! Ouais? Oui! Dégage! Antoine! Bah, j'espère en trouver Stargate lundi, hein, quand même. Bon, il m'a manqué. Maxwell, mot de la fin pour toi! Ouais, Amina, te sens pas visé, ma chérie, t'es mon petit rayon de soleil avant de me coucher. D'accord, merci Maxwell! Ciao, mon polo, ciao! Ciao! Sus Christophe. Bah voilà, évidemment, bien entendu. Bon, 3h05, on est sur Énergie. Passez une bonne nuit, on est toujours au cœur de la nuit sans pub, évidemment. Avec 21 Pilots, je vous mets tout à l'heure le son de Hiddens. Il y aura aussi Sac Noël et Shana Paul. Il y aura aussi le son de Mike Perry. Et puis là, tout de suite, c'est le son de Saya qu'on écoute. 3h05, passez une bonne nuit. Puis je vous rappelle que si vous voulez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, ça se passe sur MIKL officiel. Bonne nuit tout le monde. Uh-oh, running out of breath, but I got stamina.